أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. Avec nous, on pense souvent avec notre mentalité, qui notre mentalité de musulman occidental, surtout d'occidental, on a grandi où nos idées ont été façonnées par le contexte, etc. Alors que la religion elle doit se définir selon ce qu'Allah a dit, ce que le prophète sallam il a dit. On est souvent livré à nous-mêmes, on est seul, des fois on a des doutes, on a des questions qui nous viennent en tête. Et franchement, rappeler l'histoire d'Abou Bakr. Caché dans la grotte, on voit qu'Abou Bakr et la peur, et que seulement la phrase de lui dire Allah est avec nous a su faire calmer, ça m'a fait frissonner. L'intervention, elle a été, mashallah, franchement, elle a vraiment. C'est vraiment un rappel pour les cœurs. Maintenant, le changement va s'opérer quand je sortirai d'ici, peut-être. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, en entendant ce qu'il dit, c'est positif. Des choses très intelligentes et très intéressantes aussi. Donc je pense que après mettre ça en pratique, je pense qu'il y aura du changement, bien sûr. Dans la da'wa, particulièrement en Occident, ce qui manque, c'est une vision d'ensemble. En tout cas, moi, j'ai rien à dire. Donc du bas à la fin, j'étais en phase avec lui. Pour nous, les musulmans vivant en Occident, alors c'est le thème, le cœur de la conférence. Donc, c'est ça qui nous a motivés à faire tous ces kilomètres pour venir assister à votre conférence. Bah, je suis content d'être là et je vous encourage qu'il y ait encore des conférences à ce niveau-là. J'encourage vraiment à continuer, c'est super bien. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux, toujours présents, toujours aussi nombreux, mashallah. J'aimerais remercier notre intervenant d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le trajet de France jusqu'ici pour pouvoir nous faire part de ses recherches. Et j'aimerais remercier l'équipe du CRM pour tout le travail qui a été effectué, tous les efforts qui ont été fournis pour que cette conférence puisse voir le jour. Et justement, en ce qui concerne le CRM, donc, moi je suis ici pour rappeler qu'est-ce que le CRM. Donc le CRM, c'est, comme son nom l'indique, un collectif de réflexion qui a pour but qui réunit un ensemble de personnes, qui a pour but de pousser à la réflexion. Car l'islam est un message pour les êtres doués d'intelligence. Et justement, le Coran nous pousse constamment à la réflexion, via divers versets, tels que, certes, il y a des signes pour des gens qui raisonnent, pour des gens qui réfléchissent, pour les doués d'intelligence, pour les gens qui entendent, pour des gens qui regardent, etc., etc. Donc, on voit que ça revient constamment. Le messager d'Allah a évidemment détaillé le sens de cette injonction divine. Il nous a enseigné que l'homme se rapproche d'Allah en fonction de son degré de discernement. Il convient dès lors pour le musulman d'exceller dans l'art de la réflexion. Nous, jeunes musulmans du CRM, sommes convaincus que c'est par ce réveil, par cet éveil de conscience et ce réveil de la science que l'islam connaîtra une renaissance. Nous désirons donc, avec nos modestes moyens, promouvoir les échanges intellectuels, améliorer la qualité des débats au sein de la communauté musulmane, amener un discours original et ainsi apporter un regard neuf du milieu dans lequel évoluent les musulmans. Milieu marqué autant par la faiblesse de la communauté que par la force des discours et des actes dirigés contre elle. Mais nous souhaitons avant tout et surtout sortir de la logique de dénonciation pour ainsi entrer dans une dynamique d'action et de proposition. Tout ceci accompagné de rigueur intellectuelle via diverses thématiques et sujets peu voire pas du tout traités dans le monde de la prédication. Et c'est ce constat et le profond sentiment d'insatisfaction qui en découle qui nous a poussé à fonder le CRM. Pour ce faire, les objectifs du CRM tournent autour de trois axes. Donc, l'authenticité, l'identité et la réflexivité. Donc, en ce qui concerne l'authenticité, c'est le fait de s'enraciner fermement aux enseignements coraniques et à la sunna prophétique et les comprendre à la lumière de notre époque. Ce qu'on entend par l'authenticité s'explique par le fait de vouloir renouer avec le tawhid, revenir au fondement, là où il ne peut y avoir de divergence, revitaliser ce principe, le replacer au cœur de notre spiritualité, de notre religiosité et de notre pratique. Donc, la réalisation du tawhid fut ce pourquoi tous les messagers furent envoyés, et la dénonciation du shirk sous toutes ses formes fut la première action de tous les prophètes. Il est donc vital d'assimiler le principe de tawhid afin de repérer dans nos sociétés modernes les nouvelles formes de shirk. Un hadith que nous affectionnons tout particulièrement au sein du CRM est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, qui nous dit à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, les gens avaient l'habitude de le questionner sur le bien, mais moi, j'avais l'habitude de le questionner sur le mal, pour éviter de tomber dedans. Donc, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, ici, le message, c'est justement, il faut qu'on réapprenne ce qu'est exactement le shirk, ce qu'est exactement le kufr, justement pour éviter de tomber dedans par pure ignorance. Donc, la réalité de la parole du tawhid consiste en la connaissance de ce qu'a apporté le prophète, la croyance du cœur, la confirmation de la langue, l'obéissance avec amour et soumission, sa pratique intérieure et extérieure, son application et la prêche aux autres gens selon la capacité de chacun. Sa perfection est le fait d'aimer en Allah et de détester en lui. Ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Ce qu'on appelle al-wala wal-bara est en quelque sorte une application directe du tawhid. C'est un concept nécessaire à l'acceptation de notre dîn, mais que beaucoup de gens n'arrivent pas à appliquer ou malheureusement ne connaissent peut-être même pas. Donc, al-wala, l'alliance, veut dire que nous sommes alliés à Allah et à tous les musulmans, mais malheureusement à notre époque, dans ce contexte libéral, caché derrière une pseudo-démocratie individualiste, ce concept d'alliance reste encore difficile à appliquer. Quant au désaveu, nous en avons un bel exemple qu'Allah nous donne dans le Coran via l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit à son peuple « Je me désavoue de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah ». Surat 19, verset 48. Bref, le tawhid étant le cœur battant de l'islam, il sera donc logiquement le cœur battant du CRM. Étant à la fois notre voie, notre méthode et notre but, il est également le fondement même de notre instance sur l'authenticité. Et donc, qui dit quête d'authenticité, dit quête identitaire, ce qui nous amène à notre deuxième point, donc l'identité. Et donc, par rapport à l'identité, il faut prendre le temps de se poser la question de notre origine, de notre avenir, mais aussi de notre rôle crucial au sein de la Ummah. Que signifie être musulman à notre époque ? En 2013, en Europe, en Occident, en Belgique. Notre histoire commence-t-elle à l'immigration, avec l'immigration, notre naissance ou encore à notre conversion? Pour répondre à toutes ces questions, nous voulons aussi plonger dans notre histoire, que ce soit via l'histoire de l'immigration, de la colonisation ou de la civilisation islamique en général. Car nous, minorité musulmane, notre histoire n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'une histoire longue et mouvementée. Donc de façon décomplexée, nous voulons ainsi déconstruire le discours anti-musulman ambiant afin de s'atteler à la riposte intellectuelle, car la reconstruction de notre identité passera naturellement par la déconstruction de ce qui vise à la détruire. Quant au troisième point, la réflexivité. Donc la réflexivité, ou quand ce qui a précédé demande de nous une honnêteté intellectuelle et un regard critique sur nos actions et notre contexte. L'intellectuel algérien Malek Benhabi écrivait alors que l'une des erreurs que commettent les musulmans est de croire que puisque l'islam est parfait, alors ils sont sans reproche. Ici, l'idée vise justement à défaire ces erreurs de raisonnement en poussant instamment le musulman à porter un regard critique d'abord sur lui-même, puis sur sa conception de l'islam et enfin sur son environnement et ses implications. Car autant l'environnement dans lequel nous sommes peut nous influencer, autant nous pouvons inverser la tendance et nous aussi influencer ce même environnement. En nous aidant des acquis des recherches en sciences sociales, historiques ou encore sciences humaines, etc. etc. D'ailleurs, pour rappel, le thème de notre première conférence, portait sur Fiqh al-Waqi' en décembre, donc, et, ou comment utiliser le savoir profane au service de notre savoir révélé et ainsi comprendre, avec une grille de lecture islamique, le monde qui nous entoure. Donc, à travers des conférences, des débats, des articles, des supports audiovisuels, des analyses, etc., nous espérons enclencher un processus d'émancipation et d'autonomisation intellectuelle et ainsi augmenter le niveau de la Oumma. C'est certes un objectif ambitieux, mais non irréalisable. En mettant notre confiance en Allah et en investissant notre temps et nos biens au service du noble message du Créateur, nous espérons ainsi apporter le meilleur pour notre communauté. Maintenant, je vais juste faire une petite rétrospective par rapport au CRM. Donc, le CRM, c'est avant tout donc, trois conférences. Donc, celle-ci est la quatrième. Une, donc, la première, Fiqh al-Waqi' qui se déroulait en décembre. Les oubliés de la Oumma, les prisonniers musulmans qui se déroulaient en avril. De la communauté d'Aïssa à la communauté de Mohammed qui se déroulait en juillet. C'est aussi une opération de tract dans divers mosquées de Belgique durant tous les vendredis du mois béni de Ramadan, appelé le Ramadan du Tawhid, et aussi divers vidéos traduites et des analyses et des textes que d'ailleurs je vous invite à consulter sur notre page Facebook. Tous nos travaux sont là, Inch'Allah viendra bientôt un site. Et donc, quant à l'invité, à notre intervenant, il s'agit du frère et docteur Souleyman Chemlal, spécialiste en psychologie cognitive et comportementale et développement de l'enfant, diplômé de l'université de Lille 3 et responsable de la maison d'édition Avant l'heure, et bien sûr auteur de nombreux livres que vous pouvez retrouver au stand qui est là pour ça durant la pause. Donc la thématique qu'il a décidé d'aborder est: de quelle manière peut-on faire en sorte qu'Allah soit au cœur de notre vie? Nos connaissances islamiques et les informations que nous recevons de notre environnement cognitif sont de précieux outils pour réaliser cet objectif. Cependant, nous faisons souvent face à des difficultés pour utiliser correctement ces différents bagages. Comment dès lors illustrer cette connaissance à Allah et ses attributs dans notre quotidien? Comment construire et solidifier l'Iman et atteindre l'Ihsan dans le contexte occidental et sécularisé qu'est le nôtre? Le frère ici présent a mené une réflexion durant plusieurs années sur la méthodologie à adopter pour apprendre à croire en Allah afin de passer de la théorie du Tawhid à l'enclenchement des processus psychologiques nécessaires à tous. Voilà. Et je tiens juste à rappeler un hadith avant de commencer. Donc d'après Al-Hussein ibn Ali, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le véritable avare est celui auprès de qui je suis mentionné et ne prie pas sur moi. Apporté par Tirmidhi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant de commencer, je sais que j'espère faire pas trop de temps, je suis un peu bavard. Je voudrais préciser quelque chose. Premier point, grâce à Allah, je suis malade aujourd'hui, donc il y a peut-être des passages qui vont vous paraître pas très clairs. En tout cas, je suis pas en grande forme, mais alhamdulillah, ce sera suffisant quand même pour ça. Deuxième point. Le titre. Vous voyez ce que j'ai mis comme titre, c'est pas le titre que vous avez sur les flyers. C'est quoi le titre d'ailleurs sur les flyers? Apprendre à croire en Occident, c'est ça? Apprendre à croire en Allah en Occident. Non, apprendre à croire en Allah en Occident. Bon. Pour éviter les discussions un peu inutiles et puis se concentrer sur le sujet, on va dire apprendre à Allah en tant que apprendre à croire en Allah en tant qu'occidentaux. Ça veut dire que c'est la mentalité occidentale que nous avons, en grande partie, c'est la mentalité occidentale qui est visée là. pas le fait de vivre en Occident. C'est-à-dire que ce sujet d'apprendre à croire, en gros, quand on a la mentalité occidentale, je vais vous donner juste un point, le fait de ne pas parler l'arabe, par exemple. Le fait de ne pas parler l'arabe, c'est un trait, on va dire, caractéristique des musulmans occidentaux. Et ça pose un certain nombre de problèmes, comme on verra, Charles. Donc, c'est un peu... je vois qu'il y a des humanitaires ici, il y a des humanitaires qui distribuent la nourriture, j'ai reconnu, il y a des humanitaires du Tchad, on pourrait poser la question aussi, comment faire de l'humanitaire en Occident, en tant qu'occidentaux. Donc ça nous amène au point suivant, c'est que cette question ne croise pas celle de la Hijra. Elle n'a rien à voir, c'est deux questions qui sont différentes. La Hijra, c'est le fait de quitter un endroit où on ne peut pas appliquer l'islam pour un endroit où on peut l'appliquer, en gros. Ça n'est pas du tout le même sujet. Parce que, par exemple, si je partais maintenant dans un pays musulman, ma mentalité, elle serait la même. Celle que j'ai apprise ici, en grandissant ici. Donc c'est comment croire en Allah Azza wa Jal, comment apprendre à croire en Allah Azza wa Jal, quand on a l'esprit occidental. Alors que le point de mire de notre vie, ça se trouve être un endroit qui se trouve loin d'ici, et il y a longtemps, Mecca, il y a 14 siècles. Vous voyez, c'est un peu ça, comment rejoindre leur mentalité quand on a la mentalité occidentale. Voilà la question. Le point suivant, psychologue. Psychologue, c'est, alhamdoulilah, il y a des gens qui trouvent que être psychologue et être musulman, c'est un peu incompatible, et je dis alhamdoulilah parce que ce sont souvent les gens qui ne sont pas malades qui pensent ça. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain et des déterminants du comportement humain. Qu'est-ce qui détermine le comportement humain dans les situations? Est-ce que c'est... ce serait deux choses. Sa nature première, ce avec quoi il est venu quand il est né, et la vie qu'il a menée, c'est-à-dire ses expériences. Le psychologue musulman, il rajoute quelque chose, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Qui s'applique sur le tout. Et dans la prise en charge de patients, comme dans la recherche, comme dans l'adoption d'une théorie, parce qu'il y a plusieurs théories en psychologie, le fait que nous sommes les adorateurs d'Allah Azza wa Jalla est en permanence, préside en permanence les choix qu'on va faire. Donc je ne suis pas freudien. Je ne suis pas freudien parce que c'est pas parce que j'aime pas Freud. C'est parce que être freudien, ça va à l'encontre d'un certain nombre de bases fondamentale de notre religion. Donc, c'est, vous voyez, être psychologue, comme on dit, c'est, en arabe, on dit ilmun nafs, donc c'est un peu, ça prête à confusion, la science de l'âme. C'est pas du tout la science de l'âme, c'est la science du comportement. D'accord ? La science du comportement et la science de la manière de penser, la science de, on va dire, tout ce qui amène les gens à faire ce qu'ils font. Et on remarque beaucoup, beaucoup de hadiths qu'on peut lire à la lumière de la psychologie, c'est-à-dire à la lumière de quoi ? Du fait que le prophète, alayhi salam, avait une connaissance parfaite de l'attitude et du comportement humain. On peut trouver des psychologues extrêmement brillants qui vont connaître très très bien le comportement humain et qui vont avoir, on va dire, une approche très bénéfique, très très juste. Mais arriver au point de Nabi, notre prophète, c'est impossible. Parce que le point d'arrivée, le niveau du prophète dans ce domaine, c'est comme dans les autres domaines, ça lui vient de la révélation. Donc, on ne peut pas rivaliser. Et donc, le point de mire, encore une fois, d'un psychologue musulman, ça va être le comportement dans le sens. D'accord ? Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais ce n'est pas le sujet. Quatrième point, moi je suis né dans le nord de la France, j'ai étudié la psychologie dans le nord de la France, j'ai fini dans la région de Poitiers, maintenant j'habite dans la région parisienne, j'ai étudié le dîn aussi, depuis ma plus tendre enfance, avec mon père, et avec un certain nombre de professeurs que mon père payait, chez qui il nous envoyait régulièrement. Alors c'était pas toujours très agréable, on passait un mois là, deux semaines ici. Un de mes profs, au stade, est devenu mon beau-frère aujourd'hui. Donc ce sont des gens que je consulte toujours pour avoir des informations sur des choses que j'ai pas comprises. Donc j'avais un prof, je me souviens, qui s'appelait Mohamed Tayyib, qui était mon professeur d'arabe. C'est grâce à lui, par exemple, que j'ai compris, quand j'étais très très jeune, que l'arabe avait une grammaire. Avant, je ne pensais pas. Quand je voyais parler les gens, je croyais qu'il n'y avait pas de grammaire en arabe. Je croyais que c'était facile. Vous voyez ? Et donc, ce que je voulais dire, c'est que mon enseignement religieux, par mes profs et par mon père, c'est un enseignement où j'ai lieu grâce à Allah qui a été orienté vers la recherche permanente de la satisfaction d'Allah Azzawajal. Dit comme ça. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à faire des études, par exemple, on s'est réunis chez moi, c'est-à-dire avec un de mes profs et mon père, pour savoir qu'est-ce que tu vas faire pour aider la communauté. Vous voyez, c'est un peu, c'était l'ambiance à la maison. L'ambiance à la maison, c'était ça. Et j'en ai retiré de cette manière de faire que je suis extrêmement intéressé par une chose, comment mettre en pratique tes connaissances. Et essentiellement, les connaissances qui sont liées à la aqida, c'est-à-dire au dogme, les connaissances abstraites. Parce que les connaissances concrètes, on apprend à lire, on veut apprendre à prier, on regarde dans un livre, on suit un cours, et puis c'est pas difficile. On sait pourquoi on apprend à prier. On apprend à prier, on le met en pratique tout de suite en priant. Ben, si j'apprends par exemple à corriger ma prière, voilà, à corriger ma lecture dans le Coran, je peux mettre en pratique tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais l'apprendre. Maintenant, comment est-ce qu'on pratique le nom Allah Azza wa Jalla ? Le nom Allah. Comment est-ce qu'on pratique le nom As-Salam ? Le mot As-Salam, c'est, le nom d'un, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jalla. C'est un nom qui est extraordinaire et qui change la vie quand on l'enseigne. Comment on le pratique ? Voilà ce qui m'intéresse. Parce que le corps du message de l'islam, c'est un dogme autour duquel vient se greffer une pratique. D'accord ? Et la pratique, elle ne détermine rien. Elle détermine, on voit par exemple, le prophète Al-Sassami nous a parlé de personnes mauvaises qui pratiquaient très bien. Et on connaît aussi les hypocrites de l'époque de Médine qui pratiquaient, quand on les regardait. Donc le cœur, c'est vraiment la mise en pratique des informations abstraites du dogme. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, et c'est un échange plus qu'un cours, même s'il y a moi qui vais parler dans un premier temps, parce qu'on va tous être confrontés, on est tous confrontés à ce sujet-là. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment je vais mettre en pratique l'iman. Comment je vais pratiquer, construire de l'iman, construire, pratiquer mes connaissances, quel va être le cheminement, comment je peux arriver, parce qu'on va voir dans les problèmes qu'on connaît, c'est que qu'on connaît tous, c'est qu'on a du mal à mettre en pratique des choses authentiques, dont on sait qu'elles sont authentiques, et auxquelles on croit vraiment, sincèrement. Mais on ne les met pas en pratique, on a du mal à les mettre en pratique. Elles ne nous servent pas. C'est ça que ça veut dire. Bien, alors, on va commencer par l'introduction. En introduction, je dirais que la chose qui est la plus partagée par l'être humain, quel qu'il soit, c'est que la vie est difficile. C'est que c'est dur, cette vie est dure. Elle est dure pour tout le monde. Elle est dure d'abord pour Adam al-Sassam. Adam, il est sorti du paradis. Il a perdu un fils qui a été tué par son frère. Et puis, on sait aussi qu'il a dû se faire à la difficulté de la vie terrestre par rapport à la facilité de la vie au paradis. Et ça, c'est des difficultés. C'était dur. Et cette difficulté, elle touche vraiment tout le monde. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son catégorie socio-professionnelle, quelle que soit sa relation avec Allah d'ailleurs, les prophètes souffrent. Quand on regarde la vie de Mohammed, notre prophète, on voit qu'il y a des épreuves. C'est même épreuve sur épreuve. On a l'impression que c'est extrêmement difficile, très très dur. Et donc, pourquoi elle est dure cette vie? Ou comment elle est dure plutôt? Cette vie, elle est dure de deux manières. Elle est dure de deux manières. Elle est dure d'une manière, on va dire, générale. Et elle est dure d'une manière spécifique. D'accord. Pour l'instant, je n'ai rien dit. De manière générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est touché de la même manière par la difficulté. Quand on tombe, on a mal. Perdre un enfant, perdre son pouvoir d'achat, se réveiller pour le fajr, se réveiller pour prier la nuit, jeûner. Tout ça, c'est dur. Et c'est dur pour tout le monde. Et c'est dur pour tout le monde de la même manière. C'est difficile. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous parle de cette difficulté dans la sourate An-Nisa au verset 104, pardon, à propos de la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, quand les musulmans se sont réfugiés, les mouchriquins, les idolâtres, sous la direction de Nizat Mekwa, sous la direction d'Abu Soudjian, ils sont partis. Et le prophète, alayhi salam, il a ordonné, il a chargé un groupe de personnes d'aller poursuivre Abu Soudjian et les fuyards, d'aller les chercher, continuer la bataille. Et les musulmans qui ont été chargés pour l'Assemblée Salman, ils se sont plaints de leurs blessures, de leurs douleurs, de leur fatigue. Et Allah Azza wa Jalla a révélé le verset 104 de la sourate An-Nisa. Il a dit « وَلَا تَهِنُوا سِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ » Ne faiblissez pas pour aller rechercher les gens, les fuyards. Allez-y. « إِن تَكُنُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ » Si vous avez mal, si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. D'accord ? Là, on parle de quoi ? On parle de la souffrance qui concerne tout le monde. Tu me tapes, j'ai mal. J'ai un membre de ma famille qui meurt, ça me fait mal. Je dois me lever pour prier, ça me fait mal. Je fais mes ablutions avec l'eau froide, ça me fait mal. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui provoquent la mashaqqa, qui provoquent la difficulté, qui provoquent la gêne. Ça concerne tout le monde. Mais il y a une autre partie des difficultés qui sont spécifiques. Spécifiques à quoi ? Elles sont spécifiques à la définition du bonheur, à la conception du bonheur qu'on a. D'accord ? Et Allah Azza wa Jalla, il parle de cette partie-là à la suite du verset que je viens de citer sur la Tsukha. Je répète le verset où Allah Azza wa Jalla dit « وَلَا تَهِنُوا فِبِتِرَا الْقَوْمُ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ » Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit « وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ » Tarjouna min Allah imal yarjoun, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous réfléchissez chez vous, avec le tafsir, dont je vais vous donner une partie, vous verrez à quel point l'islam est une science cohérente. Parce que le mot Tarjouna min Allah imal yarjoun, vous, Tarjouna min Allah imal yarjoun, c'est vrai, vous souffrez tous. Vous avez mal, eux ils ont mal. Mais vous espérez d'Allah, ceux qui n'espèrent pas du tout. Vous avez des espoirs en Allah que eux n'ont pas. Et quand je dis espoir, ça fait référence au terme raja, raja, qui donne le verbe tarjouna. Les ulama, quand ils expliquent, les savants du tafsir disent, c'est l'espoir en même temps la crainte. On ne peut pas espérer quelque chose qu'on ne craint pas de ne pas avoir. J'espère quelque chose et en même temps je crains de ne pas l'avoir. L'espoir, ce n'est pas la certitude. Donc, puisque ce n'est pas la certitude, c'est lié à la crainte de ne pas avoir ce qu'on espère avoir. Et donc, quand Allah Azza wa Jalla nous dit ça aux croyants, il leur dit, vous avez mal comme ils ont mal. Ça, c'est la douleur, la difficulté de la vie qui est générale, qui concerne tout le monde. Mais Allah Azza wa Jalla leur dit, vous avez de quoi, dans vos connaissances sur Allah Azza wa Jalla, surmonter cette difficulté. Vous avez de quoi ne pas la voir comme une difficulté, la positiver, la voir comme quelque chose de bon pour vous. Eux non. Ils n'ont rien de sérieux pour aller au-delà de la souffrance qu'ils éprouvent. D'accord ? Donc cette souffrance ou cette difficulté de la vie qui est spécifique à celui qui n'a pas Allah dans son cœur, qui n'a pas de connaissances sur Allah, qui n'a pas mis en pratique les connaissances sur Allah. Eux, ils ont appris des choses sur Allah qu'ils ont mis en pratique. Et qui leur a donné quoi ? Qui leur a donné la crainte d'Allah et qui leur a donné l'espoir en Allah Azza wa Jalla. Cette crainte et cet espoir de ce qu'ils peuvent obtenir chez Allah Azza wa Jalla et de leur rapport avec Allah Azza wa Jalla leur permet de ne pas considérer leur souffrance et leur difficulté, leur mal qui était lié à la guerre de la même manière que les Quraysh. D'accord ? Vous avez de quoi dans vos connaissances sur moi, c'est ça que leur dit Allah Azza wa Jalla, vous avez de quoi aller au-delà de cette souffrance que vous avez. Et on le vit, d'accord, on le vit. On a tous plus ou moins... C'est pour ça que la vie est dure pour tout le monde. La vie est dure pour tout le monde, surtout parce que on a tous une liste assez précise de ce qu'est le bonheur. Vous voyez, pour certains, ça peut être si j'ai des enfants, ou bien on va le prendre autrement. Si j'ai pas d'enfants, je serai malheureux. Si j'ai pas de mon bon pouvoir d'achat, je serai malheureux. Si ceci, cela, je serai malheureux. Et tout le monde est touché par ça. Personne ne veut perdre un enfant, personne ne veut être pauvre, personne. Mais cette liste-là, elle n'existe pas exactement sous cette forme chez le croyant. Parce que dans cette liste-là, le croyant, la seule chose qui le rend malheureux, c'est ne pas être croyant. C'est de ne pas être attaché à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et ce qui fait qui relègue toutes les autres souffrances au plan du détail, voire d'occasion de montrer à Allah Azza wa Jal qu'on l'aime. D'accord ? Il y a un ulama qui parle de l'épreuve en disant Tabayyun hal insan. L'épreuve, c'est une destinée à dévoiler qui on est vraiment. D'accord ? Donc, ces deux souffrances, on voit bien que les croyants, Allah Azza wa Jal ne les met pas au même niveau que les non-musulmans pour, comment dirais-je, par rapport à, vis-à-vis de la souffrance, parce que eux, ils ont de quoi, dans leur croyance, dans leur connaissance, mettre leur souffrance au second plan, ou la positiver, ou l'utiliser. Et donc cet espoir et cette crainte qu'ils ont en Allah, elle est spécifique à eux. Et donc, Allah Azza leur dit, vous êtes en sécurité parce que vous êtes croyants. Et pour les Quraysh, il n'y a rien de véritablement sérieux qui puisse leur permettre de faire passer cette souffrance au second plan. Vous voyez, c'est comme si on disait, voilà, j'ai mal, je ne suis pas bien, j'ai mal, ou j'ai perdu, ou ceci, cela, donc ma vie est foutue, quoi. D'accord ? Ou alors ils vont être motivés par d'autres motivations qui sont annexes, comme la vengeance, ou je ne sais pas quoi, qui sont des motivations qui ne sont pas les mêmes que celles des croyants, et qui, à terme, n'apportent rien de bon. Donc, la crainte et l'espoir ici, dont Allah Azzawajal parle, à propos des croyants, c'est une mise en pratique de leur connaissance. Ils éprouvent de la crainte, ils espèrent en Allah, et c'est une pratique de leur connaissance, parce qu'ils ont des connaissances qu'ils ont mis en pratique, ça donne le fait d'éprouver de la crainte et de la peur vis-à-vis d'Allah, et de l'espoir vis-à-vis d'Allah Azzawajal. D'accord ? Donc, comme Allah Azzawajal leur dit, c'est comme s'il leur dit, ce que vous savez sur moi vous permet de passer, d'aller au-delà de cette souffrance, de la comprendre autrement. D'accord ? Et donc, comment dirais-je, cette crainte, cet amour, cet espoir, c'est ça l'iman. C'est ça qu'on appelle la croyance. L'iman, c'est le fait de, comment dirais-je, d'être attaché à Allah Azza wa Jal par rapport à ce qu'on sait sur lui. D'accord ? Donc, quand je parle du point 1, à propos d'une signification exploitable de l'iman. Exploitable, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que je vais ramener une nouvelle explication ou une nouvelle définition. Ça veut dire que il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les savants m'ont précédé dans ce que je vais dire. Les définitions que les ulama ont données, elles peuvent ne pas, comment dirais-je, elles peuvent être trop élevées pour nous. D'accord ? Elles ont été données dans un contexte de science qui est différent du contexte dans lequel nous, on vit aujourd'hui. Et les ulama, ils ont donné des exemples avec plein de concepts, et parmi ces concepts, il y a l'iman. Donc, l'iman, on la détermine en règle générale comme, on va dire l'iman par ceux qui la composent. Donc l'iman est composé des croyances, il est composé des actes, et il est composé des paroles. Les paroles, en l'occurrence, la parole de Tawhid, la ilaha illallah. C'est bon. Et donc, il faut une définition exploitable pour nous, parce que cette définition qui suffisait, aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle définition. Cette nouvelle définition n'est pas complètement nouvelle, c'est une définition qui explicite ce que les définitions premières n'explicitaient pas. D'accord ? C'est pour ça que, l'iman, on va la redéfinir dans les 5 points qui sont là, mais avant, on va prendre un exemple, qui est l'exemple de la gestion de la peur, ou la gestion de la peur dans une situation problématique. On prend l'exemple de Moussa, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, dans la sourate Taha, Allah azzawajal nous parle à 3 reprises qu'il a peur. Il a peur une fois, quand il doit reprendre le bâton qui était transformé en serpent. Allah lui dit, la tachaf. Il a peur une autre fois avec les magiciens. Quand les magiciens ils commencent leur tour de passe-passe, lui, il a peur. Et Allah lui dit, la tachaf. N'aie pas peur. Et il a peur une troisième fois, qui est la plus explicite, celle qui se trouve entre les deux, où Allah azzawajal le charge, lui et son frère, d'aller chercher les Ben Israël, qui étaient emprisonnés et réduits à l'esclavage chez le pharaon. D'accord, c'est comme si aujourd'hui, on demandait à l'un de nous d'aller voir un despote pour lui demander d'aller libérer tous les musulmans. Il faut ajouter en plus, pour compliquer l'affaire, que cette personne-là, elle est recherchée dans le pays du despote en question. C'est exactement ce qui se passe. Donc Moussa salam, a raison. Il dit « Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. » Ya Allah, on a peur que Moussa, que Pharaon il nous fasse du tort et qu'il dépasse les limites, qu'il soit dur avec nous. Et Allah Azza wa Jal, il répond simplement « Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. » Allah leur dit « N'ayez pas peur, la takhafa, je suis avec vous, innani ma'akuma asma'u wa ara, j'entends et je vois. » Et Moussa y part, ça suffit. Ça suffit pour Moussa, alayhi salam. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, il a eu l'honneur de partager la hijra du prophète, alayhi salam, et ce n'était pas facile. Ils se sont retrouvés poursuivis par des spécialistes de la recherche dans le désert, des experts du désert. Ils se sont réfugiés dans une grotte, et dans cette grotte-là, Abu Bakr, il avait peur un peu, il était un peu inquiet, et il était un peu triste et gêné par ce qu'il laissait derrière lui. Il quittait Mecca, il quittait sa famille aussi. Et il a fait part de sa crainte à Rasul Sallam, il lui a dit, comme c'est explicite dans un hadith, il lui a dit, s'ils regardent en bas, il suffit qu'ils regardent leurs pieds, ils vont nous voir. Il suffit, et s'ils nous voient, c'est fini. C'est fini de plein de choses. C'est fini de la dawa, c'est fini de notre vie, c'est fini de plein de choses. Et le prophète, alayhi salam, il lui dit juste, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, n'aie pas peur. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. D'accord? Il est avec nous, avec nous. Et ça suffit. Et Allah azzawajal le dit aussi, ensuite, Allah il a fait descendre sa sakina et Abu Bakr il était rassuré, tranquille. Et il explicite ça dans un hadith aussi. Quand il a dit ça à Rasul Salam, il raconte, j'ai dit à Rasul Salam, j'ai dit, s'il baisse la tête, il nous voit. Et le prophète Rasul Salam lui a dit, que penses-tu de deux hommes qui ont pour troisième Allah Azza wa Jalla? D'accord? Que penses-tu de deux hommes qui ont pour troisième Allah Azza wa Jalla? Et ça suffit pour le calme. Qu'en est-il de moi et puis des gens autour de moi? Quand tout va bien, ça passe. Quand on est dans un état de difficulté, ce ne sont pas des difficultés qui sont énormes. D'accord? Ce ne sont pas des difficultés qui sont énormes par rapport à celles de Moussa, salam, de Haroun, ou bien d'Abou Bakr. On oublie la parole qu'on connaît, elle ne nous suffit pas. Et on voit bien, des fois, on dit aux gens, on se dit à soi-même, mais Allah, il est avec toi. Et ça ne suffit pas. On sait, on croit que c'est vrai. On sait qu'Allah est avec nous. On croit que c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pourquoi? Ça ne suffit pas pour voir les choses de la vie selon cette chose, cette information qu'on connaît, selon cette connaissance. Et quand on regarde Moussa alayhi salam ou bien Abu Bakr, on remarque que la parole, la proximité d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'Allah est avec eux, le fait de le savoir ou de le rappeler, ils l'utilisent tout de suite dans leur conception de la vie et ça les calme. Ils sont tranquillisés. Et ce n'est pas la situation qui a changé. D'accord ? Ils sont tranquillisés. C'est que la tahzan inallah ma'ana, la situation n'a pas changé. Les hommes sont toujours là. Quand Allah Azzawajal dit à Moussa, salam, la takhafa innani ma'akuma asma wa ara, Moussa n'est pas allé voir Pharaon encore. Pourquoi ça suffit, cher Abou Bakr Siddiq notamment, pourquoi ça lui suffit de savoir qu'Allah est avec lui, C'est ça qui est important, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre ces connaissances-là en pratique. Et de quoi il sera question aujourd'hui? Il sera question aujourd'hui de une seule chose finalement, c'est comprendre le monde tel qu'il est. Et attention, non pas tel qu'il est vécu et perçu par nos sens, tel qu'il est. Il y a une différence entre les deux. Je donne juste un exemple. Moi, ou nous, quand on a, les musulmans, quand ils ont une épreuve, c'est pas une catastrophe. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit à Quraysh, aux gens de Uhud. Pourquoi c'est pas une catastrophe? Parce que ce qu'on voit et ce qu'on ressent n'a pas d'importance par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on croit, d'accord? C'est-à-dire par rapport aux choses telles qu'elles sont. Et d'où nous viennent les choses telles qu'elles sont? Elles nous viennent de la révélation. Allah Azza wa Jalla s'est adressé à l'homme pour lui dire: ce que vous voyez n'est pas forcément vrai. Ce que vous entendez n'est pas forcément vrai. Ce que vous ressentez n'est pas forcément vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que je vais vous dire. Donc le mal peut être un bien. Le bien peut être un mal. D'accord? Les choses, elles ne se déterminent pas en fonction de leur apparence, elles se déterminent en fonction de notre dogme, notre aqida. D'accord? Et donc, c'est bien, le problème, il est bien. Comment fait-on pour utiliser la aqida, la dogme islamique, la croyance islamique, c'est-à-dire l'objet principal de la révélation, puisque la aqida englobe toute chose, comment on fait pour utiliser cette aqida pour voir le monde? Abou Bakr Siddiq, il n'a fait que ça. Quand Rasoul Salam lui a fait ce rappel, il a vu le monde autrement. D'accord? Et, comment dirais-je, cette chose n'est pas simple. Parce que si c'était simple, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient, il suffit de dire la ilaha illallah et ça vient, sinon on l'aurait nous. Moi je l'aurais, ça. D'accord? Moi je suis sûr, grâce. Ça, je ne suis pas sûr que dans une grotte, dans la situation même moins pire que celle-là, j'aurais la bonne pensée de voir le monde tel qu'il se présente à nous, il est trop puissant, il a trop d'impact. D'accord? Et on regarde la vie des prophètes, c'était que d'apprendre aux gens, à ceux qui les suivaient, qu'il y a une distinction entre ce qu'ils perçoivent et ce qui est. Si vous voulez bien comprendre ça, pensez à Hudaybiyah, le pacte que les musulmans ont passé avec les Quraysh, à l'avantage, en apparence, des Quraysh, c'est-à-dire des idolâtres. Regardez dans la Sira, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a besoin de mettre en pratique ce dogme. D'accord? C'est-à-dire de construire quoi? De construire une relation avec Allah Azza wa Jalla. Cette relation avec Allah Azza wa Jalla, c'est ça qu'on appelle l'iman. Et l'iman, elle donne quoi? Elle donne l'intensité de la relation. Et c'est une relation qui est assez particulière parce que, pour plusieurs raisons, enfin, c'est clair. Déjà, c'est une relation qui est avec Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc, imaginez cette relation, quand on dit une relation avec Allah Azza wa Jalla, c'est une relation avec le créateur de l'univers. C'est un cadeau pour nous. On doit la concevoir comme cela. Et c'est toute la vision de l'adoration qui change. Je ne suis plus en train de prier, je ne suis plus en train de jeûner, je suis en relation avec Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que c'est la relation? Je fais ce qu'il aime. Je fais ce qu'il aime et je lui montre quelque chose. D'accord? Pensez un peu à la définition de l'épreuve telle qu'elle est donnée par un savant dont je parlerai après qui s'appelle Al-Mu'allim al-Yamani. Il dit, c'est de montrer ce qu'il y a au fond. L'épreuve, elle sert à montrer ce qu'il y a au fond. D'accord? Donc, les difficultés, c'est ça en fait. Donc, on a besoin de bien comprendre que dans une relation avec Allah Azza wa Jalla, on décide de rien. On obéit. Se mettre en relation avec Allah Azza wa Jalla, c'est d'obéir. Et c'est une relation qui se construit. C'est pas une relation qui vient. Elle nécessite de faire des efforts. Parce que sinon, on aurait, nous aussi, il n'y aurait pas de, de difficultés. L'iman, elle n'est pas, juste présente ou absente. La foi, ce qu'on appelle la foi, l'iman, cette relation-là, elle n'est pas juste présente ou absente. C'est une relation qui est basée sur le raïb. الذين يؤمنون بالغيب الله عز وجل في القرآن ينبأنا على سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ce sont des gens qui croient dans l'invisible. Voilà sur quoi on doit fonder notre croyance. C'est important de le savoir, ça, d'accord, c'est important de savoir, de prendre en compte dans notre conception que tout ce dont on dispose pour construire notre relation avec Allah Azza wa Jalla, c'est des choses invisibles. Ça ressemble presque à une mission impossible. Ensuite, comme on le sait déjà, cette relation, elle fait intervenir ce qu'on a au fond de nous, nos certitudes, ce qu'on appelle les tiradades, les croyances, ça fait intervenir nos paroles, ce qu'on va dire, et ça fait intervenir nos actions. Nos actes, les actes du corps, les actes du cœur aussi. Les actes du cœur, par exemple, l'intention, l'amour d'Allah, les choses comme ça. Et c'est évident, parce que si je me mets en relation avec Allah, juste dans mon cœur, voilà, je suis en relation avec Allah, là, et puis je vois... je fais des choses qu'il interdit. Ou bien, si je refuse par principe de dire des bonnes choses sur l'islam, mais je suis quand même en relation avec Allah. Ou bien, si je, au fond de moi-même, j'ai rien, puis je me dis, je vais faire les actions, puis c'est bon. Je ne suis pas du tout dans la relation avec Allah. Ma force de cette relation, elle est nulle. Vous voyez ? Et donc, le cinquième point, c'est que, ça aussi c'est connu, ce qu'on les ulama disent quand ils parlent de l'imam, elle monte, elle descend. Ben, cette force de relation, elle bouge, elle varie. Elle peut arriver à zéro, et puis, elle peut augmenter, peut-être, il n'y a pas de plafond. D'accord ? Donc, voilà comment, moi, je propose de voir l'imam comme une force, comme quelque chose qui donne l'idée, une valeur complexe, qui donne l'idée de la force avec laquelle chacun d'entre nous est lié à Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Est lié à Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est le, construction de cet imam, c'est passer des informations qu'on a sur le raïb, sur l'invisible, des informations qu'on a par la révélation, à le fait d'utiliser cette information pour vivre, pour être bien, comme Abu Bakr Siddiq, il a utilisé une information qui concerne le raïb. D'accord. Et puis sa situation fondamentalement n'a pas changé. Les gens qui étaient là ne sont pas évanouis. La situation est restée telle qu'elle. Le danger est resté présent. La seule chose qui a bougé, c'est la sérénité. D'accord. Et le voyage n'est pas devenu plus facile. D'accord. Et si à un moment se dire qu'il était mort dans ce voyage-là, en tant que croyant, on n'aurait rien trouvé à dire. Même s'il y avait la parole, la tahzan. D'accord ? Inna Allah ma'ana, ça marche. Qu'Allah, quand on dit Allah est avec nous, ça marche que je subisse, que je meurs, que je vis. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on veut faire, c'est construire de l'iman avec la matière brute, c'est de la connaissance sur le raïb. Pour moi, ça prend trois étapes. Je ne vois pas d'autres étapes. Et ces étapes, à mon avis, elles sont partagées par tout le monde. Elles sont confirmées dans la révélation, c'est-à-dire c'est un cheminement qu'on doit avoir, et il faut être très, vigilant et persévérant, parce que l'objectif, c'est pas juste de savoir, de connaître sa religion, l'objectif, c'est de la vivre, de l'utiliser pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre notre vie. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Allah, Azza wa Jalla, a choisi que vous soyez là aujourd'hui. Vous voyez ? Et ce n'est pas du tout la même chose que de dire... sans en faire de critique. Merci d'être là. Vous voyez ? On remercie, on est reconnaissant, mais ce n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Vous comprenez ? Allah Azza wa Jalla a choisi que vous soyez là. On n'est plus sur le même niveau. Ce n'est pas juste vous êtes là, vous êtes là parce que vous êtes croyant. Non, la relation, la mise en relation avec Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a choisi vous pour que vous soyez là. D'accord ? En espérant que ce qu'on fait ici, tout soit bien. D'accord ? Allah a choisi que vous soyez là dans un événement qui est un bon événement, inchallah. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important, ces trois étapes, rapidement, c'est prendre l'information, ce qu'on appelle le ilm. En fait, non, pas véritablement. Mais ce que nous, entre nous, on appelle le ilm, c'est-à-dire la connaissance. T'as beaucoup d'ilm, t'as pas beaucoup d'ilm. D'accord ? C'est une façon à nous de parler du ilm. C'était pas comme ça. On n'utilisait pas. Le ilm, c'est la troisième étape. Dans toutes les époques, quand on appelle nos salafs, quand ils appelaient le ilm, c'était le ilm qui était mis en pratique. Nous, on parle entre nous du ilm. La science, c'est pas forcément la science mise en pratique. C'est la quantité de science. Bon. Donc, premier point, la prise d'information. Prendre l'information, trouver l'information, chercher l'information. Extrêmement important comme étape. Deuxième point, c'est considérer cette information comme vraie. Ce qu'on appelle le tasdir en arabe. Y croire. D'accord ? Croire à cette information. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Et la troisième étape, quand on a eu l'information, qu'on y croit, il faut pouvoir l'utiliser. Il faut pouvoir l'utiliser dans notre vie. D'accord ? Bon. Maintenant, si on regarde, on va prendre les points les uns après les autres, et je vais parler de... C'est-à-dire, vous voyez, c'est un sujet sur lequel on est... qui me préoccupe beaucoup, qui m'occupe beaucoup, et qui occupe chacun d'entre vous beaucoup. Chacun à sa manière. Et je ne suis pas... Enfin, moi, je vais vous parler... Je vais illustrer un certain nombre de choses de ces étapes. On ne va pas pouvoir parler de tout, parce que ça risque d'être un peu long, mais... chacun d'entre vous fait ce travail-là. Et... je vais illustrer, moi, les différents points par mon expérience, par mon cheminement. Et ce n'est pas forcément le plus rapide ou le meilleur, ou le... Vous voyez ? Vous verrez pourquoi. Et chacun d'entre vous, c'est-à-dire que moi, ce que je suis ici pour essayer de pousser à la discussion, à la réflexion, à l'encouragement mutuel, et vous verrez quand on aura fini que finalement, je n'étais pas forcément le mieux placé pour parler devant vous. En tout cas, peut-être pas le mieux placé pour parler de tout, parce que d'autres personnes ont des manières d'illustrer ou des manières de faire qui sont meilleures que les miennes. Parce qu'Allah Azzawajal n'a pas rassemblé toute la science chez une personne ou chez un groupe. Tout est partagé. Donc moi je suis, comment dirais-je, très, très ouvert pour essayer de discuter après ou lors d'une prochaine rencontre, etc. etc. pour essayer de faire des bilans et pour voir comment chacun, quelles sont les méthodes de chacun pour mettre en pratique ce qu'il connaît. Comment on fait pour ne, en gros, comment on fait pour n'avoir peur que d'Allah Azzawajal ? Je sais que Allah Azzawajal est le seul qui peut me faire le bien, qui peut me faire le mal. Je sais et je crois à ça. Pourquoi ça ne me sert pas ? Comment je fais pour avoir peur que lui ? Que de lui ? Pour le craindre, de craindre que lui ? N'avoir confiance qu'en lui ? Comment je fais ça ? C'est ça qui m'intéresse. Voilà les trois étapes que moi j'ai arrêtées. La première étape, c'est prendre l'information. Bon. Alors, prendre l'information, c'est une étape extrêmement importante. Extrêmement importante, et aujourd'hui, à notre niveau, à cette époque, avec nos connaissances, il est hors de question aujourd'hui de parler, de donner des informations sur la révélation, de citer la révélation, sans prendre en compte un certain nombre de choses. On ne peut pas faire ça, ça n'est plus possible. Il faut refuser ça. D'accord ? Je vais vous dire, les actes ne valent que par leurs intentions. Et les gens vont dire, ah ouais. Quand on sait qu'il y a des ulama qui ont écrit des livres sur ce sujet, ça n'est plus possible, on ne peut plus le faire. Et quand on dit on ne peut plus le faire, ça veut dire que la prise d'information, déjà, doit être... On doit avoir l'intention pour l'étape finale, c'est-à-dire le ressenti. Quand je parle à mes patients, je leur dis, maintenant pour ça, il faut que vous comptiez sur Allah. Mais je sais, mais je ne peux pas. Mais vous savez que vous pouvez compter sur lui. Non, je dis voilà. Vous savez que vous pouvez compter sur lui. Vous croyez ? Vous savez, parce que vous avez vu dans la révélation, vous croyez, vous pouvez compter sur lui, mais pourquoi vous n'arrivez pas à le ressentir ? Parce que le ressenti, ça nécessite un travail un peu supplémentaire, d'accord ? Ça nécessite un travail un peu plus important. Donc souvent, je montre la connaissance, la croyance, c'est-à-dire prêter foi à quelque chose, puis le ressenti. C'est pas pareil, c'est pas tout de suite. Donc, là, on doit, dès après l'étape de la prise de connaissance, faire très attention à l'étape finale. Parce que on n'apprend pas pour juste accumuler. On n'apprend pas aussi pour se, non plus pour se rassurer ou pour avoir une meilleure opinion de soi-même ou pour... ça n'a aucun sens. On n'est pas en train de... C'est pas... je connais pas les émissions belges, mais il peut y avoir une émission où il y a une émission de culture générale où il suffit de connaître plein de choses. Vous voyez, donc, il faut absolument, à cette étape-là, considérer que ce qu'on est en train de faire, c'est sacré. C'est sacré. Et ça se fait par plein de choses, tout ce qui peut. Voilà, c'est là où je vous dis, on est chacun équivalent sur ces sujets, et je ne suis pas le meilleur pour placer. Qu'est-ce que vous faites pour chacun d'entre vous, pour rendre la science sacrée? La science, c'est la révélation. C'est des paroles d'Allah Azza wa Jal, et c'est la révélation qu'on a certainement reçue sous forme de hadith, la sunnah. Donc, comment on fait pour, comment dirais-je, la mettre, lui donner de l'importance dès le départ? En fait, l'idéal, c'est quoi? C'est de se rendre compte de la azama d'Allah Azza wa Jal. La azama, c'est l'immensité, l'importance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, il est azim. Azim, je n'ai pas trouvé d'autre mot meilleur que de traduire pour dire celui qui est important pour nous. Quand Allah Azza wa Jal parle, on écoute. Quand Allah Azza wa Jal parle, on prend compte. Et sa parole est azim. Sa parole est importante. Il faut la prendre en compte. Comment on fait? La azama, c'est compliqué, en même temps c'est facile, et c'est aussi un aboutissement. Donc c'est un peu difficile de partir de l'aboutissement. C'est pour ça que c'est aussi un travail. Mais elle vient quand, la azama? Elle s'enracine dans quoi? Elle s'enracine dans la prise en compte du fait qu'on est petit par rapport à l'azama, qu'on n'est rien. D'accord? Donc elle est incompatible avec l'orgueil, de reconnaître la azama dans l'azama, pour pouvoir l'utiliser. Quand je lis un verset dans le Coran, je fais quelque chose de grave, je fais quelque chose de grand, je fais quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de faire rien. Donc, ce que je propose comme méthode pour considérer la parole d'Allah Azza wa Jal comme quelque chose d'important, la parole d'Allah Azza wa Jal comme quelque chose d'important, même si on n'est pas encore arrivé à l'étape de se reconnaître tout petit devant Allah, donc de se reconnaître tout petit devant sa parole, c'est de, comment dirais-je, considérer, de se forcer à considérer que cette parole, elle a un bien pour nous. C'est plus simple qu'on s'orienter vers nous-mêmes. On est des humains. Donc ce que je suis en train de faire là, en train de lire, ce que je suis en train d'apporter comme parole, de lire ou d'étudier comme parole, c'est pour mon bien. C'est pour moi. D'accord? Et donc, je vais l'apprendre de manière importante. Aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que j'en ai marre, ça n'a pas de sens, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs, et je l'ai fait, je veux arrêter de le faire. Si tu es inversé comme ça, qui sont noyés avec des paroles de Rasul Salman ou bien versets de Coran, avec une parole d'un tel, parce que ce qui compte, c'est, on va dire, si la parole nous parle, d'accord? Mais la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est pas en fonction de la sensation. Alors ça, c'est une bonne parole, qu'est-ce que c'est bien dit? C'est pas comme ça. La parole d'Allah Azza wa Jal, elle est pertinente et elle est bonne, quoi, quelle qu'elle soit, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, qu'elle nous fait frémir ou qu'elle nous fait pas frémir, elle n'est pas une parole comme les paroles d'un autre. Et donc, il faut la concevoir de cette manière, et pour ce faire, il faut essayer de se l'approprier en disant, voilà, c'est un bien pour moi. Vous voyez? Ou alors, de se dire, quand je suis en train de la lire, je suis en train de faire quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Il faut essayer de se forcer à ça, à cette étape de la prise de la connaissance, à cette étape de la prise d'information. J'ai inversé dans le Coran, et il a une information. Quand je dis que le titre, je mets « L'information est dans tous les cas pertinente pour un croyant », ça veut dire que elle doit nous toucher. Elle a un sens. Elle doit nous toucher. Et ce sens, il est donné par trois choses. Par sa langue, par son langage, par le fait qu'il soit, ce soit un sujet, une information authentique ou pas, et par son explication. Et ça, pour un musulman occidental, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la langue arabe. Le jugement d'authenticité, franchement, rappelez-vous, il y a encore, on va dire, 10 ans, ça ne nous intéressait pas du tout. D'accord? Et on s'aperçoit aujourd'hui que des choses sur lesquelles on a bâti notre religion ne sont pas authentiques. Des paroles qu'on a certainement n'a jamais dites. D'accord? Je pense que l'exemple pour moi le plus flagrant, c'est la liste des noms d'Allah Azza wa Jal. Les 99 noms d'Allah Azza wa Jal. Donc je vais profiter pour corriger ça. Les noms 99 noms d'Allah Azza wa Jal qui commencent par Allah et qui finissent par Sabour n'est pas une liste authentique. Elle n'est pas authentique de plein de raisons, de plein de manières différentes. Mais on la trouve partout, chez tout le monde, tout le temps. Et les gens y mettent ces noms-là d'Allah Azza wa Jal. Or, comment dirais-je, quand on s'est intéressé au jugement d'authenticité et que ça commençait à nous intéresser, on a vu que c'était pas authentique. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont pas encore rectifiées. D'accord ? Donc, c'est important. Et considérer que la parole est importante, ça nous pousse à prendre en compte son langage, à prendre en compte son authenticité. Est-ce que je peux la prendre en compte ou pas pour bâtir ma croyance ? Parce que l'objectif n'est pas de savoir, l'objectif c'est de bâtir son iman, de bâtir sa relation avec Allah Azzawajal. Comment bâtir sa relation avec Allah Azzawajal ? À partir de quelque chose qu'il n'a jamais dite, d'une chose qu'il n'a jamais dite, ou d'une chose que son prophète n'a jamais dite, ou d'une chose qu'on n'a pas compris. Chose qu'on n'a pas comprise, pardon. D'accord ? Parce qu'on n'a pas la langue. D'où l'intérêt, l'importance d'apprendre la langue arabe. Et dans ces affaires-là, l'intention est extrêmement importante. On n'apprend pas l'arabe de la même manière quand on a l'idée que c'est une question de vie ou de mort. Apprendre l'arabe aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Ou plutôt, apprendre comment comprendre les termes arabes comme les arabes les comprenaient. C'est ça qui est important. Il faut arrêter avec « louange à Dieu, le Seigneur des mondes ». On n'est plus à ce niveau-là, c'était bien il y a 20 ans. Mais depuis 20 ans, on dit « louange à Dieu, le Seigneur des mondes ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et je ne comprends pas comment on peut comprendre. Vous voyez ? Donc ça veut dire que il faut essayer d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, on perd du temps. Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de méditer sur les versets. D'accord ? Et on ne peut pas le faire, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un nous parle d'un verset, il est obligé de nous parler. De son langage, il est obligé de nous parler. Degré d'authenticité, quelque chose comme ça, parce qu'il y a toujours des doutes, et il est obligé de nous parler de son explication. Et donc, l'heure qu'on avait destinée à l'apprentissage, elle est passée. Et on ne peut plus réfléchir ensemble, méditer à quoi ça sert, comment on fait, etc. etc. D'accord ? Et donc, on perd du temps. On perd du temps. Et donc, il faut s'entraider chacun pour se sacrifier pendant un an ou deux à faire de l'arabe, de l'arabe, de l'arabe, de l'arabe. Non pas pour pouvoir acheter du pain, d'accord ? Dans les pays arabes, ils parlent anglais, donc on peut déjà le faire. Mais pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça participe de ma relation avec Allah Azza wa Jalla. Alors que louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le mot Alhamd, il nécessite des lignes et des lignes et des lignes et des lignes pour pouvoir expliquer c'est quoi Alhamd, puis méditer pour s'en faire, pour se l'approprier. Quand on dit Hamd, on ne pense plus à louange ou au remerciement. C'est pas du tout ça, c'est autre chose. Et cette chose-là, c'est ce qui a été révélé. D'accord ? C'est exactement ce qui a été révélé. Bon. Donc, le troisième point, ça va concerner les concepts islamiques, ce que je viens de dire en quelque sorte. Il y a beaucoup de ulama, je pense, de plein d'horizons différents. Cheikh Al-Maoudoudi, rahmatullah, Mohamed Qutb, qui ont écrit, et puis le fameux cheikh dont j'aime en Allah et dont j'avais parlé tout à l'heure, Al-Mu'allim al-Yamani, ils ont travaillé sur. Ils ont remarqué que les musulmans souffraient de la perte de leur religion. Et que la perte de cette religion, elle n'était pas uniquement dans la pratique. La perte de la pratique religieuse, elle est d'une conséquence. Elle souffre de quoi, notre communauté ? Nous souffrons de quoi ? On souffre du fait qu'on n'a pas la bonne explication des mots. On n'a pas les bons concepts. Et ces mots sont des mots basiques, hein. C'est pas des mots très savants ou des mots dans le détail de la religion, c'est des mots de base. Al-Maoudoudi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mustalahat al-Arba'a fil Qur'an, les terminologies du Qur'an, les quatre terminologies du Qur'an, et ces quatre mots, ces quatre concepts, les quatre concepts en Qur'an. Din, ce qu'on appelle religion, Ilah, ce qu'on appelle divinité, adoré, Ar-Rab, ce qu'on appelle maître, seigneur, et al-ibada, ce qu'on appelle l'adoration. Ces quatre mots-là. Mohamed Qutb, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mafahim allati yanbaghi an tusahhah. Les concepts qu'il convient de corriger. Et attention, hein, ces livres ne sont pas écrits en français. Ils sont écrits en arabe, pour des arabophones. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que corriger pour les arabophones l'utilisation des mots de leur langue. Et il explique quoi ? Il explique des mots comme la ilaha illallah. Tawhid, Kalimat al-Tawhid, la parole de Tawhid. Il explique le mot civilisation, Hadara. C'est quoi la civilisation islamiquement parlant? D'accord? C'est quoi le Qadha, le destin islamiquement parlant? C'est quoi le Tawhid islamiquement parlant? C'est quoi l'adoration islamiquement parlant? D'accord? C'est ça qui fait. Parce que on est perdu. Il faut revenir au concept islamique et pensée islamique. Le Cheikh Mualim al-Yamani, il a écrit un livre qui fait dans sa version totale plus de 800 pages. Ça s'appelle, on l'appelle l'Ibada. L'Ibada, l'adoration. Le sous-titre, c'est « Lever d'ambiguïté sur le sens d'un certain nombre de mots, comme l'ilah, le kufr, shirk, le tawhid, l'Ibada. » Sa démarche est la suivante. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit « J'ai trouvé des gens qui invoquent les morts. » Pour certains, c'est une pratique totalement permise dans l'islam. Pour d'autres personnes, ça n'est qu'une innovation blâmable. Pour d'autres personnes, c'est du shirk, c'est-à-dire une idolâtrie. Donner à un autre qu'Allah ce qui ne doit revenir qu'Allah. Et ce sont des gens qui ne sont plus musulmans. Et il dit, je ne crois pas que les musulmans fassent des choses dont ils savent que c'est du shirk. Il dit, c'est inimaginable, on ne peut pas imaginer. Donc il dit, le problème, il est où? Le problème, ce n'est pas une question de certains, ils veulent être des mécréants, des kofars, et d'autres, non. Le problème, c'est dans la compréhension des sens des mots. C'est quoi un ilah? C'est quoi une divinité? C'est quoi Allah? C'est quoi l'adoration? C'est quoi la ilaha illallah? C'est quoi shirk? Qu'est-ce qui est shirk dans shirk? Qu'est-ce qui est l'ibada dans l'ibada? Qu'est-ce qui est de l'idolâtrie dans l'idolâtrie? Qu'est-ce qui est de l'adoration dans l'adoration? Si on range dans les concepts n'importe quoi, on n'arrive pas finalement à comprendre comment utiliser ces connaissances pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas les choses, qui peuvent invoquer les morts en disant voilà, c'est totalement permis. Parce que dans leur définition de l'ibada, dans leur définition de l'ilah, dans leur définition de shafa'a, l'intercession, il y a le fait de pouvoir invoquer les morts. Vous voyez? Donc il faut revenir aux définitions là. Et je rajoute un point qui est important parce que c'est un point qui est extrêmement très actuel. Il faut accepter les termes de la révélation et les concepts de la révélation. D'accord? Les termes et les concepts. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de ulama aujourd'hui, depuis toujours, mettent en garde contre quoi? Ils mettent en garde contre le changement de termes, le changement de mots, de vocabulaire, qui aboutit à un changement de hukum, c'est-à-dire un changement de jugement. D'accord? Appeler les choses par leur nom. Et je remarque qu'un des mots qui est le plus décrié aujourd'hui, et je ne peux pas donner tort complètement parce qu'il y a eu des exagérations, c'est le mot kafir. Les gens ne supportent plus qu'on utilise le mot kafir parce qu'ils considèrent que kafir, c'est une insulte, ou c'est méprisant, ou c'est etc. etc. Or, en fait, kafir, il faut regarder le mot kafir avec le sens de kafir. C'est vrai que les gens ils l'ont utilisé pour faire des sanctions, des sentences définitives, ou bien pour se montrer qu'eux ne sont pas des kofars, ou bien pour insulter leurs frères, ou pour insulter les gens. D'accord? Kafir, c'est une observation. Ça concerne le comportement d'une personne qui refuse la vérité. D'accord? Même s'il y a des règles, des choses comme ça, qui permettent de définir quand est-ce que kafir marche, quand est-ce qu'il ne marche pas, le mot kafir, ça n'est qu'une observation. Tu es quelqu'un qui ne croit pas à la vérité. D'accord? Si on considère qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vérité à l'exclusion de toute autre chose, alors le mot kafir il est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mot kafir il est associé à une conception. Donc si on change le mot, on va changer la conception. Et on n'est plus dans l'islam. On n'est plus dans la religion. C'est une autre chose, mais il faut le dire. Ça c'est prendre l'information. Accepter l'information maintenant. Accepter l'information, ça concerne deux aspects. Ça concerne un aspect qui concerne le non-musulman, qui touche le non-musulman, et un aspect qui touche le musulman. Mais c'est pas la même chose. Le musulman, on va lui permettre de douter. D'ailleurs, il va nous dire, tu me permets rien du tout, je doute si je veux, et je vais lui dire, d'accord. Le non-musulman, il va douter. Et tout le monde, quand il commence la religion, on l'a acquise par la... par la famille, ou pas, mais, vous voyez, quand les ulama, ils parlent des différents degrés d'iman, il y a un iman minimum. L'iman minimal, comme dit Ibn Taymiyyah, le degré 1. Ce degré 1, c'est un degré qui constitue la sortie du kufr pour entrer dans l'iman. Le refus d'adorer un autre qu'Allah. À ce degré-là, à ce niveau-là, n'y a pas de construction de relation qui a été faite. Il n'y a pas de relation avec Allah Azza wa Jalla. Et c'est un sujet, c'est juste, on accepte de mécroire, de ne pas croire à autre chose que l'islam, que Allah Azza wa Jalla. Mais il n'y a rien de créé. Et ce niveau-là, il est très, très sensible au choubat, c'est-à-dire aux arguments un petit peu ambigus, aux arguments qui peuvent créer du, on va dire, du doute. D'accord ? Et si Allah ne pardonne pas ou ne préserve pas ces gens-là, les gens peuvent sortir de l'islam. C'est très facile. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. Donc, mais ce niveau-là d'iman minimal, il est, c'est pas seulement les convertis. Convertis et musulmans. On passe tous par cette étape-là. D'accord ? On passe tous par cette étape-là. Donc, accepter l'information, c'est crucial. Il faut pouvoir l'accepter, considérer qu'elle est vraie. Ce qu'on appelle le tosdir. Et le tosdir, par exemple, Pharaon, il croyait. Il croyait que c'était vrai. Ils ont lutté malgré le fait qu'au fond d'eux-mêmes ils étaient sûrs que c'était la vérité. D'accord? Abu Jahl, le grand kafir de Pharaon de l'époque de la Sorcellerie, il a dit c'est lui que je veux à qui je ne crois pas son message. Je ne crois pas à lui, c'est lui que je refuse de croire, pas le message. D'accord? Il disait aussi nous on est d'une tribu concurrente de celle de Rasul Salama, de Muhammad Rasul Salama. Donc, la prophétie elle est venue chez eux, donc je ne suis pas. Si elle était venue chez nous, j'aurais été le premier à suivre. Donc, ça veut dire que le tasdir, le fait de croire, c'est quelque chose d'important et on doit se décider. On doit se décider. Le croyant, il ne doute pas. D'accord ? On est croyant, on a passé certaines étapes. On a passé l'étape, parce que, pourquoi je... En fait, j'ai changé ma manière de faire. D'habitude, qu'est-ce que je dis quand je parle de ça aux gens? Je dis, comme j'avais mis dans le premier plan, le fait que la parole dans la réserve est vraie n'est pas contenue dans la parole elle-même. D'accord? Et quand je disais aux gens, comment vous savez qu'Allah Azza wa Jalla est toujours avec nous? Ils me disent, parce qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il dit, « Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. » Allah Azza wa Jalla est avec nous, où qu'on soit. Et je leur dis, ça, c'est pas une preuve pour croire. C'est une preuve qu'on doit croire. Mais ce n'est pas une preuve pour croire. Et les gens étaient un peu choqués pour dire, est-ce que tu remets en cause la parole d'Allah? Pas du tout. Remettre en cause la parole d'Allah, douter de la parole d'Allah, quand on est croyant, c'est grave. Mais il ne faut pas en rester à la révélation elle-même pour croire dans la révélation quand on est dans le... Quand on a l'objectif, comme nous aujourd'hui, de construire de l'iman, de construire une relation avec Allah. Vous voyez? Parce que se baser que sur le texte, c'est quelque chose qui est dangereux à long terme. Donc nous, on va s'interroger. On laisse le mécréant, le non-musulman, on va le laisser, on va lui dire, écoutez, mettez à l'épreuve des faits n'importe quelle information qui est dans la révélation. Faites-le. On est là, il n'y a jamais personne qui a refusé de discuter. Faites-le. Parce que vous devez arriver à la conclusion que l'islam est la vérité, qu'Allah Azza wa Jalla dit la vérité. Pour ce faire, mettez tout en doute. Il vous dit qu'il est Rahim, vérifiez. Il vous dit qu'il est Rahman, vérifiez. Il vous dit qu'il est le Qadir, vérifiez. Il vous dit qu'il est le Alim, vérifiez. Il vous dit qu'il est le Khaliq, vérifiez. Nous, on a passé cette étape-là. Nous, on croit, on est arrivé à un état, Allah, grâce à Allah, on le remercie, que ce que Allah dit est la vérité. Mais, pour construire une relation avec Allah, on doit continuer à vérifier. Comment ça vérifier? Vérifier à la manière d'Ibn Taymiyyah, dans un livre qui s'appelle Miftah Udar al-Sa'ada, qui a un titre assez, comment dirais-je, joli, c'est-à-dire les clés de la maison du bonheur, où il montre, il cherche la hikma derrière un événement grave qui met beaucoup, beaucoup de doutes aux gens. Allah l'a mis Adam au paradis, puis il l'a fait sortir. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait référence à quoi? Comment on fait? Et lui, il dit, on va rechercher la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, dans le sens où les choses sont bien faites. C'est ça le hikmah. Faire les choses bien, là où elles doivent être. Et ça, c'est le contraire de l'injustice. Donc Allah a bien fait les choses, voyons comment. Et il trouve 30 sagesses différentes et vraiment magnifiques. Mais son point de départ, c'est qu'Allah est sage, il est le hakim. Il ne dit pas, si jamais je ne trouve pas de sagesse, alors je refuse qu'il a la sagesse. Il dit, on va chercher ça. Et il dit même, on ne va jamais épuiser les sagesses d'Allah Azza wa Jal. Ni nos langues, ni notre cœur, ni nos crayons. Et il trouve ça. Et nous, c'est comme ça qu'on doit le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de trouver, des critères qui vont me permettre de dire que telle information va être vraie et pas vraie. Parce qu'on sait qu'elle est vraie, on a fait le travail en amont. On va dire pour le kafir, lui, il doit trouver que c'est vrai. Mais nous, non. On ne va pas douter. On ne va pas dire c'est vrai. On va dire comment elle se manifeste dans ma réalité. Allah Azza wa Jalla me dit qu'il est là, avec moi tout le temps. Comment ça se manifeste dans la réalité? Moi, je veux le voir le plus de manifestations possibles. Je veux voir la hikmah d'Allah Azza partout, sa présence partout, sa ma'iyya, le fait qu'il soit avec l'homme, partout, sa qudra, sa puissance partout, sa force partout, etc., etc. Je veux la voir le plus possible pour pouvoir la voir, pour pouvoir y penser tout le temps. D'accord? Et donc, la seule manière de faire, c'est de mettre en relation ce que je connais sur le rythme et ce que je vis. D'accord? Ce que je connais sur le rythme et ce que je vis. De manière à voir qu'il y a une concordance et où cette concordance se fait, ce lien se fait. C'est la seule manière de faire. Donc, quand je dis le texte coranique ne contient pas la preuve de sa véridicité pour un francophone, pour un arabophone, les choses sont différentes. Le style coranique, c'est un style même nous, on peut le voir, c'est un style unique. Mais ça constitue une preuve pour les gens, pour les arabes à l'époque de Quraysh. Et ils savent qu'ils n'ont pas affaire à la parole d'un humain. D'accord ? Ils le savaient. Nous, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on lit le Coran, on l'aime, mais on l'aime surtout parce qu'on aime Allah Azza wa Jalla. Pour arriver à aimer le Coran, son style, les choses comme ça, il faut lire et apprendre et s'imprégner. De la même manière que pour aimer le style prophétique, il faut s'en imprégner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention de ne pas dire qu'on aime, alors qu'en fait, au fond, on n'aime pas ou qu'on n'a rien. Parce que ça devient que de la parole, et puis finalement, au bout d'un moment, si on ne fait pas les efforts nécessaires, après, la différence entre aimer et pas aimer, elle n'existe plus. Vous voyez, il n'y aura pas de différence dans notre comportement si on aime ou si on n'aime pas. Au fond, ce sera juste forcé. Ben, un jour, on est moins bien, on se force moins. On n'y pense pas. Quand on aime quelque chose, on est... Celui qui aime le Coran, il le lit beaucoup. D'accord? Donc, ça, c'était le deuxième point. Le texte de la révélation. Donc, je vous donne l'exemple de la surat al-Qiyama. Dans la surat al-Qiyama, il nous dit, à la fin, il nous parle de la résurrection. Il nous dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا. Est-ce que l'homme, il pense vraiment que on lui demande rien? Il est là, et puis il part, et puis salam alaykoum ya rabbi. Et Allah lui demande de réfléchir sur sa condition, sur son historique de, avant la naissance. Elle aime bien qu'on entre fatam min manihi yumna. Est-ce que c'est pas lui qui était une petite goutte qui est sortie comme ça? Petite goutte qui est sortie, puis qui a rencontré une autre petite goutte. C'était lui, celui qui pense qu'on va rien lui demander. Celui qui pense qu'il n'a rien à faire ici. Est-ce que c'est pas lui qui était une petite goutte à un moment donné? Thumma kana alaqatan. Après c'était celui-là qui était aussi quelque chose qui s'accroche pour survivre. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont des présidents, il y a des gens qui sont... Mais à la fin, c'est des petites gouttes, et puis à un moment donné, ils ont un peu galéré pour s'accrocher. Après, Allah dit, il a eu une existence, il a été créé, il est devenu un être, et pas n'importe quoi. À la fin, au début, il était alaqa, ça ressemble à rien. Mais après, Allah il l'a formé, ça, c'était la goutte. D'accord? Nous, on voit le médecin, on voit l'ingénieur, on voit celui qui gouverne, celui qui celui qui appelle les gens à sa voix, celui qui... Bon. Mais Allah Azza wa Jal, il nous dit, pensez la goutte. La halaqa, c'est une petite chose qui s'accroche, qui ressemble à rien. Enfin, halaqa fait ça, ouais. Allah Azza wa Jal l'a créé. Et ensuite, c'est lui aussi, il lui a donné une forme, une belle forme. Faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal-unsa. Ensuite, une nouvelle différenciation. C'est qui? Ça vient de la goutte. C'est la goutte qui a décidé. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? C'est la goutte qui a décidé. La goutte, elle n'a rien décidé du tout. La goutte, elle a subi ce qu'Allah a voulu. Et elle a subi une différenciation en mâle et femelle. Et cette différenciation mâle et femelle, c'est ça qui construit les nouvelles gouttes, les nouveaux alaqas, les nouveaux. Vous voyez? Et Allah lui dit, regardez ça. Et à la fin, il nous dit, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta. C'est que des questions. Est-ce que tout ça, celui qui a fait ça, il n'est pas capable de vous faire revivre? Vous étiez rien, juste une goutte, et vous maintenant, vous regardez le produit fini. Moi, je suis machin, moi, je suis truc, moi, je suis orgueilleux, moi. Regarde ta condition. Qu'est-ce qu'il nous demande dans la Il nous demande de sortir de la révélation pour revenir à la révélation. Quel risque on prend? Celui qui a révélé le Coran, qui a parlé le Coran, c'est celui qui a créé tout ça. Si on étudie l'un ou l'autre, on arrive à la même réalité quand on n'est pas orgueilleux. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je dis, le va-et-vient incessant entre la révélation et le monde. D'accord? Permanent. Permanent. De la même manière que tout à l'heure, je disais, Allah Azza wa Jalla a choisi qu'on soit ici ensemble. Je regarde le monde, mon monde, je vois que vous êtes là, et je regarde la révélation qui me dit, il n'y a rien qui se fait sans qu'Allah veuille. Donc Allah a voulu ça. Quand je fais du mal, Allah a voulu que je fasse du mal. Une fois, il y a un homme qui a demandé à un autre, au niveau à l'époque des salafs, il lui a dit, je trouve pas trop de plaisir dans salat, le qiyam la nuit. J'ai pas de goût. Il le faisait, hein, parce qu'il y a eu des époques dans notre communauté où salat, le qiyam la nuit, ça se discutait pas. C'est pas. Vous voyez, aujourd'hui, faire de l'alcool à mon vieux, il faut 3 litres de café, etc. Je parle pour moi. Hein. Donc, et celui à qui. Cet homme-là, il a dit ça à un cheikh, le cheikh, il a dit, c'est tes péchés qui te font détester ça. Oui. Lui, il a une situation. Il voit là son monde et il l'a relié directement à une information du Raïb. Il l'a mis en relation. C'est ça qui crée la relation avec Allah. D'accord? Il est persuadé de ça. C'est ça ton diagnostic. Il ne lui a pas dit prendre de l'aspirine, du guronzon, ou il dort plus tôt. Oui. Il a dit voilà, c'était péché. Il s'en a, peu importe le sabab, c'est-à-dire la cause. Parce que la cause, finalement, elle n'est là que pour arriver au plan d'Allah. Rien de plus. Elle fait partie du plan d'Allah. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que toujours essayer de mettre en place ce système de relations, mais on en parlera après. Donc ce va-et-vient incessant, il est, comment dirais-je, il est dans notre religion même. C'est-à-dire quand, vous voyez, Allah Zul, il nous encourage à aller voir le monde, d'accord? Et il nous demande de regarder plein de choses, de regarder... la goutte, ce qu'elle est devenue, de regarder le ciel, de regarder, vous voyez, de regarder les moyens de transport, de regarder le chameau, d'accord? Il nous demande de regarder, et quand on regarde un petit peu, c'est-à-dire, si on veut regarder le fait qu'Allah Azzawajal est avec nous, d'accord? À quoi il a pensé à Abou Bakr Siddiq? Qu'est-ce que ça veut dire Allah ma'ana? Allah ma'ana, ça veut dire Allah est avec nous. Mais Allah est avec nous. Allah est avec nous. Moi, avec lui, dans la grotte. Allah est dans la grotte. On s'entend une bonne fois pour toutes sur le terme Allah est avec nous, comme ça on va régler les choses. Quand je dis Allah est avec nous, tout le temps, il n'y a personne qui peut imaginer qu'Allah est avec nous vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui... C'est-à-dire cette salle-là, elle ne va pas contenir Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas imaginer ce genre de choses. Par contre, celui qui est là, dans un monde qui m'a créé, dans un endroit qu'il a créé, qui sait tout sur moi, mon passé et mon futur, qui me protège comme il peut me donner du mal, qui peut intervenir directement, ça, ce n'est pas seulement de la présence, c'est de la perfection de la présence. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla est avec nous. Ça ne pose pas de problème de le dire, ça ne pose pas de problème de le comprendre et d'y croire. Mais comment je comprends dans le monde qu'Allah est avec nous? Allah est avec nous, il agit dans ce monde par plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien... Des fois, je travaille avec mes enfants pour leur apprendre le tawhid. Je leur dis, vous avez un mois pour me trouver quelque chose qu'Allah Azzawajal n'a pas fait. Avec la conséquence que si vous trouvez quelque chose qu'Allah Azzawajal n'a pas fait, on va se réfugier dans cette chose-là pour éviter le châtiment d'Allah Azzawajal. C'est un peu à ça que ça sert de trouver quelque chose qu'Allah n'a pas fait. Et ils cherchent. Et ils ne trouvent jamais. Ils ne trouvent pas, mais ils ne trouvent pas comme des gosses. De temps en temps, il y en a un qui va trouver, mais mon cartable, c'est quand même... Enfin, ils ont du mal à moi. Mais petit à petit, ils comprennent qu'Allah Azzawajal, il a sa volonté. Et sa création est au-delà de tout. Elle touche tout. Et elle touche tout à l'exclusion de toute autre source de création et de décision, etc. etc. D'accord ? Et donc, le problème, c'est que... comment dirais-je ? Quand moi, je dois regarder partout comme ça et de voir la présence d'Allah Azzawajal partout. Et je vais la voir dans différentes choses. Je vais la voir dans les choses qui sont statiques. Allah Azzawajal, il a créé la pierre, il a créé les choses. Il n'y a personne qui l'a créé, il a créé ça. Et puis, je vais voir aussi les choses qui sont étranges, qui ne sont pas habituelles, qui prouvent que la décision et l'acte, il n'est pas prévisible. Par exemple, on meurt à tout âge, il faut visiter un cercueil, un cimetière. On meurt à tout âge, il n'y a pas de prévision. Il y a tous les âges, toutes les manières de mourir, toutes les nationalités, il n'y a pas de règle. Il y avait un de nos salafs qui disait, la grande preuve pour moi que le destin existe, c'est que les sceaux réussissent, qu'il y a des sceaux qui réussissent. C'est-à-dire, il y a une volonté qui s'applique indépendamment des critères logiques, on va dire, ou des critères on va dire qu'on peut mettre en place en tant qu'être humain. D'accord ? Et puis, vous regardez aussi dans le fait que la force d'une armée, elle ne détermine pas forcément l'issue de la bataille, l'issue de la guerre. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'applique. Quand je prends ces exemples-là, je suis convaincu qu'Allah Azzawajal est avec moi. Je le sais, j'en suis convaincu. Tout ça, Allah Azzawajal, je le vois partout, donc je le vois avec moi. D'accord ? Je le vois avec moi. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal ne nous a pas demandé uniquement de regarder sa création, telle qu'il l'a créée. Il nous a demandé aussi de regarder ce qu'il a fait au peuple d'avant nous. Parce que la présence d'Allah Azzawajal parmi avec nous, le fait qu'il soit avec nous, elle est déterminée, elle est, comment dirais-je, elle est très facilement visible dans ce genre de choses. Une société qui n'applique pas l'islam, ou une société qui n'obéit pas à Allah Azzawajal, elle coule. Elle coule. C'est comme ça. C'est-à-dire, on le voit. On le voit tous les jours, partout. Et personne ne peut contredire. Surtout pas aujourd'hui. D'accord ? Donc, le va-et-vient incessant entre la vérité, entre la révélation et le monde, il, comme je dis parfois, des patients qui doutent. Ils ont des ouswas, ils doutent. Ils ont des doutes, ça peut être sur la création, sur le fait, l'existence d'Allah, ça peut être sur plein de choses qui concernent la religion. Et je leur dis, plongez dans la rububiyya. La rububiyya, c'est quoi ? C'est le tawhid qui concerne, parce que globalement, quand on parle trop souvent de différentes facettes du tawhid, en quelque sorte. Je ne sais pas très bien comment on dit facettes ou différents tawhid. J'ai du mal à comprendre quand on le présente de cette manière. On parle du tawhid al-uluhiyya qui concerne, on va dire, ce qu'Allah Azzawajal est le seul à mériter qu'on lui fasse. Salat, zakat, etc. Toute l'adoration et puis toute la vie, en fait. Ensuite, on a le tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans ce qu'il est le seul à faire pour nous. Vous voyez, on retrouve cette idée de relation aussi. Tout ce qu'il fait, c'est Allah qui l'a fait. C'est Allah qui l'a prévu, qui l'a fait, qui l'agence, qui l'organise maintenant. Et puis on a le tawhid al-asma wa sifat qui correspond à en fait que ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans les noms qu'il porte et les attributs qu'il possède. Parce que quand on est le seul Rab et le seul Ilah, le seul Rab, le seul, on va dire, qui agit sur ce monde, et le seul Ilah, le seul endroit de réclamer. Comment dirais-je, d'exiger qu'on l'adore et qu'on adore que lui, on a des noms et des attributs spécifiques que personne ne peut porter. C'est normal. Il mérite de porter des noms que personne d'autre ne peut porter. Personne ne peut s'appeler Allah. Ou alors, il faut être Allah. D'accord ? Donc, quand je leur dis à mes patients, plongez dans la rububiyya, ça veut dire, donnez-vous tellement d'arguments que votre petit doute, il sera noyé dans une tonne d'arguments. Et les arguments, on va les rechercher où ? Les arguments, on va les chercher partout. Partout. Le monde est saturé de signes qui indiquent Allah Azzawajal. De choses qui indiquent Allah Azzawajal. Donc on a quoi? On a tout ce qui concerne la science. Tout ce qui concerne la science, on apprend comment Allah Azzawajal fait les choses. Et je donne un exemple de ce qu'on appelle la téléologie. Je ne sais pas si des gens connaissent ici. Ce sont des anciens darwiniens ou darwinistes. Ce sont des biologistes. Et ils ont rejeté la notion de, comment on appelle ça, de hasard en théorie de l'évolution. Ils donnent l'exemple suivant. Ils disent, on trouve une pierre dans un champ, on peut imaginer qu'elle est là depuis toujours, ou plutôt le fait qu'elle soit arrivée là nous importe peu, nous intéresse peu. On trouve une montre dans un champ. On ne peut jamais dire qu'elle est là par hasard. Pourquoi ? Parce que c'est ça le mot téléologie, ça signifie la finalité. Le fait que les choses sont faites avec une finalité, un but. Parce que cette montre, elle est faite de différents éléments, de natures différentes, qui ensemble remplissent une fonction particulière. Et donc cette montre, on ne pourra jamais l'attribuer au hasard. Et le monde entier, il est comme ça. Le monde entier, il est comme ça. Différents éléments qui ont été assemblés, pour remplir une fonction particulière. D'accord ? Et donc, quand on en arrive là, on arrive à quoi ? On arrive à, au minimum, il faut regarder la création comme quelque chose qui est un miracle, qui n'est pas là par hasard. Au minimum. Mais c'est mieux parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, il y a des sujets qui ne sont pas intéressants pour tout le monde, des fois on n'a pas le niveau pour aborder un certain nombre de choses, un certain nombre de notions, mais chacun va, c'est là où c'est magnifique, c'est que chacun s'émerveille pour ce qu'il veut. D'ailleurs, un des sens du mot ilah, c'est le fait, ou le verbe qui vient de mot ilah, c'est le fait d'émerveiller. Et le mot la, la parole de tawhid, la ilaha illallah, signifie aussi, il n'y a de digne de provoquer l'émerveillement que Allah. Allah est le seul digne de provoquer l'émerveillement. D'accord ? Et donc, chacun, moi je suis très touché, on en parlera, Inch'Allah, je vous raconte ma vie, par le signe, l'alternance jour-nuit. Je vais en parler après dans le passage. Mais chacun, et il y a de la place pour tout le monde. D'accord ? Donc, c'est bien, donc la rouboubia, il faut fouiller, il faut y aller, il faut aller dans la science, chacun selon son niveau, mais au minimum, considérer l'harmonie, l'ingéniosité, qu'on regarde un arbre, une fleur, ou bien l'univers, ou bien les galaxies, des choses comme ça. N'importe quoi. Même dans ça, il y a des choses. La manière dont c'est fait, même dans les actes des humains, il y a des choses qui sont extraordinaires. Donc c'est ça qu'il faut regarder. D'accord ? Il faut regarder. Et d'ailleurs, on peut voir par ce sujet-là, en tout cas par ce biais-là, on peut peut-être comprendre, ça c'est bon, mon truc, c'est mon avis, l'essor de la science chez les musulmans. Parce que les musulmans, ils ont obtenu l'essor de la science par Allah Azzawajal. Il leur a donné. Pourquoi ? Sans doute parce que leur intention était bonne. Et pourquoi ils se sont intéressés à la nature ? Parce qu'ils se sont intéressés à l'acte d'Allah Azzawajal. Ils ont cherché à décrire ou à comprendre comment Allah Azzawajal faisait les choses. Et ce faisant, Allah Azzawajal leur a donné l'essor. Et c'est complètement compatible avec un certain nombre de choses. Par exemple, si vous lisez un livre qui s'appelle Ma'alim fi Tariq de Sayyid Qutb, Ma'alim fi Tariq, c'est un livre qui s'appelle C'est Jalons sur les routes de l'islam, je crois. Et c'est un livre, à ma connaissance, il n'y a aucun savant qui a mis en garde contre ce livre, donc comme ça on est pareil. Le premier chapitre, je le conseille à tout le monde. Dans ce chapitre, il s'appelle Al-Jail al-Wahid, je crois, la génération unique. Il parle de Sahaba. Et il montre trois spécificités qui étaient les leurs et qui a fait qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Une de ces spécificités, c'est que, il dit, ils étudiaient le Coran pour le mettre en pratique. Le moindre mot, le moindre verset, pour le mettre en pratique. Pourquoi ? Pour satisfaire Allah Azzawajal. Et sur le chemin de la satisfaction d'Allah Azzawajal, il y a les richesses qui viennent, il y a les victoires qui viennent. Mais ce n'était pas ce qui était voulu. Ils n'étudiaient pas le Coran pour gagner. Ils étudiaient le Coran pour plaire à Allah. Et sur le chemin de la satisfaction d'Allah Azzawajal, il y a des choses qui viennent et qui sont d'autant plus, comment dirais-je, importantes qu'on n'en prend pas garde et qu'on ne sait pas le but. D'accord ? Pareil pour la science, de mon point de vue, les savants musulmans, ils ont cherché à comprendre Allah, à connaître Allah Azzawajal. Ce faisant, Allah Azzawajal leur a attribué l'essor scientifique. L'essor scientifique qui aujourd'hui, on pourra en reparler un peu de l'état de la communauté. Bien. Donc ça, c'était le va-et-vient permanent. On va parler du point 5 maintenant. Utiliser l'information, qu'on appelle l'iman. Et c'est un peu là maintenant, comment construire de l'iman à partir d'une information à laquelle je... une information authentique à laquelle je crois. Je crois à cette information. D'accord ? Elle est authentique. J'y crois. Qu'est-ce que j'en fais ? J'y crois, comment j'ai fait pour y croire d'ailleurs ? J'ai cherché à la voir, à la vérifier dans la nature en quelque sorte, dans ma vie, dans mon monde. Et il faut, le premier point pour construire de l'iman, il faut solidifier ce lien. Il faut le rendre solide. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est vrai, je vois, c'est bon. Comment on le solidifie ? Ben, je peux vous donner plein d'exemples, mais je vous donne d'abord un exemple, un premier exemple, c'est, je vous donne l'exemple de moi. Moi, j'ai été très intéressé, et je suis toujours très intéressé par un signe qui s'appelle l'alternance jour-nuit. Sans doute parce que j'ai jamais considéré comme un signe, j'avais du mal à considérer que c'était un signe. Je me disais quand même jour-nuit, je ne voyais pas. Et puis, je me suis assis, et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit, l'alternance jour-nuit, c'est quoi ? Admettons que tout soit dû au hasard. D'accord ? Tout soit dû au hasard, jusqu'au moment où on a deux boules. Une prend feu, mais pas l'autre. L'autre, par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Vous voyez ce que je dis ? Donc, ça veut dire que on est dans, on va dire, la technologie cosmique qui est pensée, qui suit un plan. Et c'est un peu comme si je vérifiais, dans un premier temps, c'est ce que je disais juste avant, je vérifie que Allah il est bien responsable de l'alternance jour-nuit. Mais juste à ce moment-là, je ne suis pas, comment dirais-je, c'est pas un signe pour moi, c'est pas une ayah pour moi. Parce que je le sais, mais ça ne me parle pas. Et puis il faut réfléchir et refaire le lien, étudier, travailler sur l'alternance, sur les planètes, de plus en plus, rajouter des détails, des choses comme ça, et réfléchir beaucoup, et réfléchir surtout quand la nuit tombe et quand le jour revient, et lire les versets qui sont là, et essayer de purifier son intention, jusqu'au moment où maintenant, grâce à Allah, quand la nuit vient, je pense à ça. C'est-à-dire que la nuit, elle est devenue pour moi, grâce à Allah, j'espère en tout cas, un signe de lui, un signe qui me montre bien à lui. Donc je pense à Allah, le signe, c'est ça, c'est-à-dire que quand on le voit, on pense à Allah. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est ce que je disais au début. On doit percevoir les choses, non pas en fonction de nos perceptions, mais en fonction de leur réalité dans la raqida islamique. Et là, l'alternance aujourd'hui, c'est un signe d'Allah. Et donc, voir l'alternance aujourd'hui comme un signe, quand il fait jour, quand il fait nuit, et quand on y pense. Et des fois, quand tu as un petit coup de moins bien, il suffit de penser à un signe, à ce signe-là, même pas sans rentrer dans les détails, et à l'effet qu'il me procure. Pour ressentir cet effet-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que l'être humain fonctionne. D'accord ? Il faut mettre en place ça. Alors quand je dis le langage des signes, il faut mettre les signes. Il faut construire des signes avec nos croyances. On croit des choses, je peux te dire, on a prêté foi, on est d'accord, on est convaincu. Maintenant, il faut voir dans la nature. Je donne un exemple. Quand je dis le ciel, par exemple, on doit faire ça avec chaque attribut dans la zone, avec chaque nom dans la zone. Avec chaque information qui concerne l'oreille, le plus possible. Parce que notre objectif, ce n'est pas juste de croire à des choses, c'est de se mettre en relation avec Allah Azzawajal. Et quand je me mets en relation avec Allah Azzawajal, à la tombée de la nuit, je me mets en relation, je suis en train de vivre un signe dans Allah Azzawajal. Et je pense à Allah Azzawajal. Et donc, il faut faire ça avec le plus possible, voir un signe, voir comment chaque attribut d'Allah Azzawajal est visible dans la nature. Et voir dans la nature tous les signes dans la nature. Par exemple, je vous donne un exemple sur le ciel. Quand vous regardez le ciel, cette créature parfaite, on ne voit pas de trou. Elle nous indique quoi, cette créature ? Elle nous indique la science dans la nature. Elle nous indique sa puissance. Elle nous indique sa sagesse. Elle nous indique, elle nous indique sa force. Elle nous indique son ilm, sa science, etc. Mais on peut la voir autrement. Elle nous indique sa force. Et puis quand on regarde le ciel, on voit quoi aussi ? On voit qu'il est beau. Et la beauté du ciel, elle ne rend pas compte de sa fonction. Le ciel, s'il n'était pas beau, il y aurait exactement la même fonction. Il jouerait son rôle de la même manière. Ça nous indique quoi ça ? C'est comme si c'était une beauté supplémentaire, une beauté qui n'est pas optionnelle. Cette beauté optionnelle, c'est quelque chose qui nous montre qu'Allah nous aime, qu'Allah est miséricordieux, qu'Allah est bon, qu'il veut notre bien. Il veut qu'on vive dans un monde harmonieux. Et Allah, dans la surat Al-Mulk, il dit ça. D'accord ? Il dit quoi ? Il dit الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل dit c'est lui qui a créé les cieux les uns au-dessus des autres, sept cieux les uns au-dessus des autres. Cherchez le problème, cherchez le trou, cherchez le couac, cherchez le problème dans la construction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Cherchez encore, c'est un défi. Cherche jusqu'à où tu peux, tu ne trouveras rien. Et après, Allah lui dit, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ وَحَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ. Et Allah lui dit, j'ai rendu beau et j'ai rendu beau le ciel inférieur avec les planètes. Et les... Oui, il y a les deux aspects. Et on peut rajouter un autre aspect, la perfection du ciel, quand on la compare, qui est une créature immense, quand on la compare à notre imperfection à nous, notre imperfection de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui vient chez nous, physiquement c'est pas terrible, on est plein de couacs, on est plein de trous, c'est pas comme le ciel. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique le fait que la zone réussit, enfin, crée parfaitement des créatures grandes et nous, moins parfaitement, avec des difficultés, ça nous prouve que la zone ne nous a pas créé comme ça parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Il nous a créé comme ça pour, parce qu'il a voulu nous créer comme ça. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique sa, son, comment dirais-je, une autre facette de sa miséricorde, parce que grâce à ses couacs, grâce à ses difficultés, on revient vers lui. D'accord? Donc, ça c'est le point. Ensuite, comment dirais-je, je voudrais donner un autre exemple aussi, mais peut-être j'en parlerai plus tard. Quand je dis 5.2, faire semblant, faire comme si, et je parle de l'exemple du salut. Tout cela, on est en train de construire des signes. On est en train de construire des signes pour essayer de voir les signes partout et ne plus passer une seule seconde sans voir Allah Azzawajal. C'est ça l'iman, être avec Allah Azzawajal, comprendre les choses selon ce qu'Allah Azzawajal nous a révélé. Et donc, c'est construire le monde selon le rêve. Et donc, quand on dit faire semblant, faire comme si, etc., c'est-à-dire que, en gros, chez l'être humain, on doit ressentir un certain... Le croyant, on exige de lui, Allah exige de lui qu'il ressente un certain nombre de choses. D'accord? Et... Ou qu'il croit un certain nombre de choses. Et le problème, c'est que... Il ne trouve pas le chemin, souvent. Une des manières de faire, c'est de faire semblant, comment dirais-je, de mettre en place le sentiment, même si on ne le ressent pas. Je donne deux exemples. Rasul Salman nous a dit... vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous ne nous aimerez pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Si vous le faites, vous aimerez? Et le compagnon, oui, il l'a dit, répondez le salam. Le salam, c'est quoi? Le salam, c'est, je passe le salam à mon frère, assalamu alaikum, je demande à Allah qui te préserve de tout le mal. Je demande à Allah le salam de te préserver de tout le mal. Si je comprends ça, moi je te dis ça, toi tu me dis ça, l'autre il dit ça, etc., on se trouve dans une ambiance d'amour. Quand on comprend ce qu'on dit, on se retrouve dans une ambiance d'amour. Et quand on se retrouve dans une ambiance d'amour, on sait. Un autre exemple aussi, Ibn Abbas dit, c'est une parole qui peut être attribuée parfois à Rasul Salam, mais en fait, il n'y a pas de preuve de ça. En tout cas, c'est sûr qu'Ibn Abbas l'a dit, sans le remontant à Rasul Salam. Il a dit, ce monde est un monde qui doit faire pleurer. Alors, pleurez. Si vous ne pouvez pas pleurer, il dit, fait tabakao. Tabaka, ça veut dire, comme l'enfant qui pleure pour rien. Il faut faire semblant de pleurer. Faire semblant de pleurer dans ce contexte-là, ça correspond, c'est comme si c'était le premier pas vers la construction du bon sentiment. D'accord? Donc je dois faire ça et apprendre ça à mes enfants aussi. On va passer 5 minutes maintenant, on va faire comme si. C'est comme ça que je fais avec mes proches. Passons 5 minutes, 10 minutes, on va faire comme si. Allah, on était conscient qu'Allah nous voit. Et on vit avec ça en tête. Et bien c'est fatigant au début, un petit peu, c'est difficile, etc., etc. Et puis de plus en plus facile, etc. Jusqu'au moment où ça, grâce à Allah, ça peut devenir un mode dominant de pensée. Parce que le mode avec lequel nous pensons aujourd'hui, c'est aussi un mode qui a appris. C'est pas quelque chose qui est complètement naturel. C'est appris aussi. Et on va apprendre autre chose. D'accord? Je vais pas en dire plus. Ensuite, la manière de lire la révélation est importante. Le premier point, lire la révélation en la ramenant à soi, en jouant les rôles. En la ramenant à soi, en jouant les rôles, on ne va pas détailler, mais je vous donne un exemple. La révélation, elle nous donne, comment dirais-je, des indications sur ce qu'on doit ressentir à certains moments. Et quand on dit par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Azza wa Jalla a mis dans la Fatiha cette sourate si importante, il nous dit de répéter, c'est toi, à toi que nous voulons la ibada, l'adoration, et dans la ibada, on extrait l'istihana, la demande de secours. Pourquoi Allah Azza wa Jalla précise, il faut se mettre comme celui qui reçoit la révélation. C'est ça jouer le rôle. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla me dit ? Il est en train de me dire que je suis en danger, puisque je dois lui demander secours. Moi, je me souviens qu'on me disait quand j'étais jeune, si tu n'as pas l'impression d'être en danger, c'est pas la peine de dire Yakanabdo, Yakanstein dans la Fatiha. Ça ne sert à rien quand tu pries. Passe. Tu dois te sentir en danger. Et cette vie-là, elle est pleine de danger. Et l'être humain, il a peur. Et quand il a peur de perdre. Quand il a peur, quand il n'a pas, il a peur de ne pas avoir. Il a peur de plein de choses. Et la chose la pire, c'est de perdre sa religion, de perdre sa foi. Cette foi merveilleuse qui est. Quand on le présente de cette manière, on le voit très bien, et encore, je ne suis pas le meilleur, le plus éloquent pour en parler, on voit bien qu'on est là au summum de l'évolution, au summum de la civilisation. C'est quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, pointu, bien pensé. D'accord ? Bon, je vous donne le 5.4, Surat At-Takwir, en fait, il faut lire la révélation en ramenant les choses à soi. Surat At-Takwir, par exemple, Allah nous parle, dans la Surat At-Takwir, il nous parle, c'est le refroidissement de la terre, du soleil. Il nous parle de quoi ? L'obscurcissement du soleil. Il nous parle de signes de la fin du monde. Ça fait là. Des signes, des choses qui vont se passer le jour du jugement. Il nous dit « Ida shamsu kuwirat, wa ida nujum kadarat, wa ida al-jibal sujirat, wa ida al-isharu utilat » jusqu'à l'heure. Quand le soleil va s'éteindre, quand les étoiles vont tomber sur la terre, vont cesser de bouger. Quand les montagnes vont avancer, détruire, elles vont avancer. Quand les achars, c'est les femelles chamelles très précieuses qui ont un enfant, quand elles seront, on n'y prêtera plus attention, elles n'auront aucune valeur. Il y en a qui parlent de ça. Moi, quand je réfléchis, je dois faire le lien entre quelque chose du rêve, c'est-à-dire le soleil qui s'éteint, c'est du rêve. C'est le monde invisible, c'est quelque chose qui va se passer. Le futur annoncé par Allah Azza wa Jalla, les prédictions, ce sont du rêve. C'est le monde invisible qui est disponible que par la révélation. Quand je pense à ce signe, ou à cette information du rêve, à quoi je la lis ? À quoi je la relis dans le monde ? En fait, elle n'est pas destinée à être reliée à quelque chose dans le monde qui est similaire à ça. Quand Allah Azza wa Jalla me dit, quand je vais éteindre ce soleil, moi je pense à quoi ? Je pense au fait que le fait qu'il soit allumé, c'est un signe. Celui qui a allumé le soleil, qui a fait du soleil ce qu'il est, bah, s'il l'éteint, pour moi c'est facile. C'est pas ce signe-là que je dois méditer. Ça me permet de savoir que ça va être la terreur totale le jour du jugement. C'est autre chose. Mais ce signe-là, c'est fait pour me ramener au signe que moi je vois. Celui qui est. Allah me parle du ciel, du soleil éteint, pour que moi je pense à ce soleil allumé et à la puissance d'Allah, sa science, sa prodra, sa prowa, toutes les choses qui nous permettent de. Toutes les choses qu'on peut déduire en regardant le soleil. D'accord ? Et la preuve de ce que je dis, c'est quoi ? C'est que, comme disent les ulama, Allah il parle dans le quatrième verset, il dit Wa idal ashar wa rabtilat, quand les bêtes. Comment dirais-je, telles que les bêtes extrêmement précieuses qui étaient à l'époque de la révélation au peuple auquel la révélation a été faite, c'était un signe extérieur de richesse, c'était quelque chose d'extrêmement important. Une bête, un chameau, qui va donner naissance. Et Allah Azza wa Jalla dit quand c'est les chamelles prêtes à donner naissance vont être occultées, abandonnées, elles ne vont plus susciter l'intérêt. Et les ulama disent il n'y aura pas de chamelles le jour du jugement. Donc Allah Azza wa Jalla, il veut qu'on pense par rapport à des signes qu'on a sur terre. Et les gens, ils vont regarder, ils vont dire, comme je vous disais, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où chacun va fuir ses parents, va fuir ses frères et sœurs, ses enfants, sa compagne. On ne doit pas imaginer ça maintenant. À quoi ça nous fait penser ? Ça nous fait penser que sur terre, Il y a des choses auxquelles on tient qui sont juste parce que les circonstances nous le permettent. D'accord ? Moi, j'aime trop fort ma femme, j'aime trop fort mes enfants, j'aime trop fort ma richesse, etc., etc. Mais ça, c'est parce que je peux le faire. Dans certaines circonstances, j'en aurais plus rien à faire. Et on le voit aujourd'hui. Des gens qui font des pieds et des mains pour épouser une femme, et quelques années après, on l'a dit à Dubila, cette femme-là, elle est devenue comme un diable pour eux. D'accord ? C'est-à-dire que c'est, ça se voit. Ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que la chose qu'il faut prendre en compte, c'est toujours le raïm. Quand je suis avec ma femme, avec mes enfants, etc., ou avec ma chamelle qui va mettre bas, ce qui compte, c'est que je fasse des choses qui vont satisfaire Allah Azzawajal, qui vont le rendre satisfait de moi. Et la relation avec Allah Azzawajal va être malgré au-delà de la chamelle, au-delà de mon épouse, au-delà de mes enfants, au-delà de mes parents. D'accord ? Ça, c'est soit que. Ensuite, chercher l'itminan. Chercher l'itminan, que j'ai appelé le rapport serein avec la vérité. D'accord ? Plus on a de signes, et plus on doute, on ne va pas douter. Plus c'est quand on regarde par là, on voit un signe. Quand on regarde par là, on voit un signe. Ouais, c'est comme vous disiez tout à l'heure, le fait que vous soyez là, c'est un signe. Parce que c'est, vous n'avez pas fait de votre plein gré, même si on en a l'impression. Mais Allah Azzawajal qui vous a permis ça, et qui nous a permis ça. Donc l'itminan, c'est en rapport avec le verset d'Allah Azzawajal qui nous parle d'Ibrahim A.S. qui a dit à Allah Azzawajal, fais-moi voir comment tu fais revivre les morts. Et Allah Azzawajal lui a posé la question, il lui a dit, Awalab tu'min. Est-ce que tu ne crois pas? Pourquoi? Est-ce que tu as arrêté de croire? Est-ce que tu ne crois plus? Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en la résurrection. Parce que cette question est ambiguë. Elle n'est pas ambiguë pour Ibrahim alayhi salam, elle est ambiguë chez les gens. Parce qu'elle peut signifier deux choses. Est-ce que ça signifie montre-moi comment tu fais revivre les morts pour que je sache qu'effectivement tu peux le faire? Ou montre-moi comment tu fais revivre les morts pour que ma foi sans faille dans la résurrection, elle soit encore plus forte. C'est ça qu'on appelle l'itminan. Et donc, il a dit, quand Allah a demandé à Ibrahim, est-ce que tu ne crois plus? Il a dit, Bala walakin yatma'inna qalbi, pour que je sois plus sûr encore, parce qu'il n'y a pas de maximum, même pour un homme comme Ibrahim. Donc, imaginons pour nous. Ça veut dire que on doit rechercher l'itminan pour être tranquille avec ça. Je veux être tranquille avec ceci. Comment on fait? Deux choses, deux manières. La première, c'est de regarder la création comme si on demande à Allah Azzawajal, Ya Allah, fais-moi voir comment tu crées. Je vais regarder un arbre. Ya Allah, fais-moi voir tes attributs dans cet arbre. Et on va chercher. Ya Allah, fais-moi voir tes attributs quand je regarde le ciel, etc. Parce que comme ça, on se force à regarder les choses du bon angle. Et la deuxième manière, c'est de chercher des critères concrets. Parce que le fait de voir les oiseaux revivre, ce qui est arrivé à Ibrahim, c'est concret. Chercher les choses concrètes, ça nous pousse, ça augmente notre itminan. Chose concrète, c'est quoi? C'est l'effet de notre adoration. Il faut être vigilant sur ça. L'effet de notre tawbah. Salaf, nos salaf nous disaient, quand le risque vient, il tarde à venir, on fait tawbah. C'est un lien entre le tawbah, entre le risque et le tawbah, c'est-à-dire quand le risque, c'est-à-dire la subsistance, ce dont ils avaient besoin pour vivre, tardait à venir, eh bien, ils faisaient tawbah. Ils demandaient pardon à la Azzawajal. D'accord? Et c'est quelque chose qui était, comment dirais-je, c'est pas un lien magique, ou c'est pas un truc du type, bon allez, on va essayer comme ça. C'est un lien qu'ils ont expérimenté. Il y avait un autre cheikh qui disait, lorsque j'ai besoin de sadaqa, de bien, je fais sadaqa tout ce que j'ai. Vous voyez? Je fais sadaqa de tout ce que j'ai. Faut pas imaginer que c'est du vent. Faut pas imaginer qu'ils ont fait ça pour voir, ou au cas où. C'est des choses qu'ils ont expérimentées. On pourrait raconter plein d'histoires de ce type-là. Il faut regarder dans le chapitre Al-Wara, dans les livres. Al-Wara, c'est chercher à éviter les péchés à tout prix. Même dans les choses qui sont ambiguës, pas seulement les choses qui sont sûres. Et donc, comment dirais-je, l'itminan, il faut chercher ça. Ya Allah, montre-moi l'effet de mon adoration. Et j'adore Allah, je regarde ce que ça fait. Je fais le tawbah, je regarde ce que ça fait. Je suis vigilant. D'accord, je suis vigilant, puis je suis vigilant quand les gens, quand c'est à un moment donné un peu mondine, comment ça se passe. Et puis par exemple, il y a des choses qu'il faut regarder, comme par exemple l'effet de la ruqya. L'effet de la ruqya sur la personne qui est malade, c'est un effet qui est clair. Vous voyez, et ça doit renforcer l'itminan. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose qui me rassure. Voilà. Dernière chose, fréquenter les gens bien. Les gens, les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est qui? C'est les personnes, dans ce contexte-là, qui vont faire le maximum pour lier les choses à Allah Azzawajal. Moi j'aime bien, quand je suis avec une personne, quand il lui arrive quelque chose, il le lie à Allah Azzawajal. Au point où des gens ils disent, toi, t'arrêtes pas de faire ça. Il faut voir que t'es un peu responsable aussi, toi. En fait, la responsabilité de soi-même et le fait de tout lire à la Azzawajal, c'est pas incompatible. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est Allah Azzawajal, il me l'a donné pour des raisons qui sont liées à ma responsabilité. Donc, je vais faire attention. Mais il faut que je le associe à Allah Azzawajal. D'accord. Donc, on a été un peu vite pour ces points-là. En conclusion, je dirais que l'iman, ça passe par le dhikr et ça passe donc par la constitution, la fabrication, la construction de ayat. Un ayat, un signe, il n'est pas un signe, il est un signe de lui-même, mais il n'est pas un signe pour nous comme ça. Il faut qu'on travaille pour le constituer en signe. Et plus on aura des signes, plus on aura des signes, plus on aura des ayats, plus on va penser à Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Et les choses, elles vont, on va vivre dans un monde avec Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Dans ce monde-là, l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, elle est mieux que la désobéissance, même si la désobéissance, elle apporte des choses. Je donne juste un petit exemple à propos du vote dans une perspective islamique. On ne va pas rentrer dans les détails de bien ou pas bien. D'ailleurs, pourquoi rentrer dans les détails de quelque chose qui est déterminé par la majorité comme quelque chose de pas bien, y compris ceux qui le permettent. S'ils le permettent, les arguments qu'on donne pour permettre ça, dire par exemple parler de la maslaha, par exemple, c'est-à-dire le moindre de deux mal, ou bien regarder l'avantage pour la communauté, etc. Ça prouve que si on recherche ça, ça prouve qu'à la base on considère que c'est pas juste. Très rare sont ceux qui disent c'est bon, c'est une bonne chose, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Bon. Mais il y a des gens qui sont convaincus que voter, dans une perspective islamique, c'est une chose qui est grave. Sauf que, ils disent, d'accord, mais il vaut mieux ça que rien faire. Dans une perspective de la constitution de l'iman telle que celle que j'évoquais là, préserver son tawhid, c'est pas ne rien faire. Préserver son tawhid, c'est faire quelque chose. C'est rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Voilà mon programme politique. Rechercher un programme politique, c'est pas le mien, c'est le programme politique des musulmans. Rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça qui nous occupe. Et par rapport à celui qui vote, je fais la même chose. Lui, il fait ça pour améliorer son sort. Et moi, je ne le fais pas pour améliorer mon sort. Notre sort. Vous voyez ? C'est exactement... On peut pas... Ces personnes-là, qui sont de bonnes personnes, elles sont un peu perdues par ce qu'on appelle l'activisme ou quelque chose. Agir, c'est forcément faire quelque chose. Or, agir, ce n'est pas faire quelque chose. On peut ne pas dire quelque chose. La preuve de ça, les musulmans, quand ils ont dit à Rasul Salam, quand Rasul Salam leur a appris que quand ils avaient des relations avec leur épouse, ils étaient récompensés, ils étaient surpris. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on pense moins à Allah Azzawajal qu'à ce moment-là. Et Rasul Salam leur a dit, vous faites dans le haram, vous êtes punis. Vous vous abstenez de faire le haram. Vous êtes récompensés. S'abstenir pour Allah Azzawajal, ce qu'on appelle imsak, se retenir pour Allah Azzawajal, ça fait partie des choses qui sont des sababs d'action. C'est une action. Une action extrêmement efficace. Sahaba, les prophètes, les compagnons n'ont fait que ça. Et le dernier point, c'est sur la da'wah, l'implication sur la da'wah de tout ce que j'ai dit. Deux points. Le premier, il faut qu'on arrête maintenant. Barakallah, on fait quoi ? Moi, le premier, je parle de ça comme si j'en avais marre, je ne supportais plus, c'est pas le cas. Mais ça fait pitié pour des gens. Quand on leur dit, tiens, médite ce verset. Tiens, médite cette parole. Tiens, je te mets cette parole et tu la médites. On voit bien que la constitution de Hayat, c'est un processus qui prend du temps. Donc vous devez voir à quel niveau la personne est arrivée. Tu veux dire quoi ? Tu n'arrives pas à croire ça ? Tu ne comprends pas ça ? Ça ne te fait rien ? Ben non, c'est possible que ça ne lui fasse rien. Donc il faut former les gens et pas les déformer en quelque sorte. Alors les déformer, c'est les pousser à ne plus vous fréquenter. Il faut apporter aux gens des moyens de... C'est-à-dire, il faut comprendre où les gens en sont arrivés pour leur faire da'wah. Vous êtes une personne qui n'est pas encore arrivée à comprendre, par exemple, l'alternance jour-nuit, on va lui dire, regarde, il fait jour, regarde, il fait nuit. Comment t'es pas touché par ça ? Il faut faire ça. Et la deuxième chose, il faut arrêter aussi de dire aux gens les sanctions, les sentences. Toi, tu ne fais pas assez confiance à Allah Azzawajal. Ou bien, il faut faire confiance à Allah Azzawajal. Il faut adorer Allah Azzawajal. Il faut donner des recettes. Comme j'ai fait, il faut donner des choses. Et chacun d'entre vous, il est comme moi. C'est-à-dire, chacun a ses recettes, il faut me les donner. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Et le modèle prophétique, il a engendré des sahabas qui sont extrêmement différents les uns des autres. des élèves des Sahaba qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et les élèves des Sahaba qui sont extrêmement différents les uns des autres. Extrêmement différents, chacun a sa méthode, chacun voit les choses de leur manière, etc. Au point où on trouve des gens qui, et pas tous, notent le nom de tous leurs amis dans nos salafs, et notaient le nom de tous leurs amis sur des feuilles, pour ne pas oublier chaque jour de faire des invocations pour leurs amis. Pourquoi ? Parce que Rasul Sallallahu a dit, celui qui fait des invocations dans le dos de son frère, les anges font l'invocation pour lui. Donc ils font ça, c'est comme s'ils voient les anges. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont jusque-là. Ils négligent rien. Pour eux, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas tous qui font ça. Il y en a qui le font. Voilà. Donc, la dernière chose, dernière, c'est de dire que tout ce que j'ai dit là, et toute la réussite à laquelle on peut arriver en faisant ce travail, il dépend que d'Allah, de sa volonté et de sa permission. Et c'est pour ça que quand on est guidé, on remercie Allah. Alhamdulillah, il a dit hadana li hada. On remercie Allah qui nous a guidés à ça. Et surtout, on n'oublie pas que l'égarement, il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin de celui qui est sûr. Et on dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Et on compte sur Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ala kulli hal wa barakallahu fikum. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا